caméra ou pas? Miskin. Bah, en même temps, vu ce qu'elle te met dans la face. D'abord, je cours. Et après, je m'excuse plus tard. Ouais, non, je pense qu'elle je sait. J'ai fait un gros câlin, je dis je t'aime, mais après, elle me connaît, ma mère. Bah voilà, j'aime maintenant. Bien la titiller. Bah ouais, bah elle a l'habitude. Franchement, t'as pas besoin de t'excuser. Merci pour ta question. Juste derrière, une dernière, Ali. Bonsoir, je m'appelle Pablo. Ouais. Et tu peux me donner des astuces pour avoir des vues? Alors, faut pas que t'aies peur de ta mère. Le conseil. Non, mais pas, hein. Ah, mais quand t'es peur, tout dans le respect. Mais tu fais quoi? Tu fais des positions bizarres, toi. C'est Amir, le producteur de l'émission, qui arrête pas de passer devant lui. Là, franchement, faut que t'as de la joie de vivre. Faut pas que t'aies honte. Et faut que tu donnes. Genre, tu fais tout pour. Tu donnes tout. En fait, je crois qu'il faut être. Là, ça marche avec Varios parce qu'il est lui-même en fait. Il joue pas un rôle toi-même. Dans ses snaps. Il est lui avec sa famille, il montre tout. Il a pas peur de montrer les gens aussi. Moi, tu vois, par exemple, je pourrais pas le faire. Je me vois pas filmer Colette et Alain, mes parents. Je crois qu'il serait pas chaud et il serait pas bon. Donc, bah après, ça dépend, moi, je filme pas ma mère le visage. Oui, c'est vrai. Bah, c'est mon petit bijou, je la protège. Même, tu vois, genre les réactions et tout, moi, ça marcherait pas. Mm. Ça dépend. Toi, Pablo, du public, si ta famille, tu sens qu'il y a un potentiel, des trucs à faire et tout, fonce. En fait, faut trouver des bonnes blagues, tu vois, au quotidien. Ça te va? Ouais, j'en ai une dernière. T'as une dernière question? Bah fonce alors. Mais tu vois, je passe devant chez toi et tout, je vais pas dire à ville parce qu'après ils vont tous venir chez toi. Ouais. Et il a peur lui. Ouais. C'est qui lui? Vérité, il fait peur. Hein. Virez-le s'il vous plaît, la sécurité là. Je vais t'aider, Toi, t'es bizarre. C'est pour ça que j'ai vu, il y avait 8 brosses à dents, mais on est que 7. Il vit chez moi, lui. Lui, il vit chez moi. Continue comme ça. Mais quelle est ta question en fait? Non, vous savez, je l'ai grillé, la peur. Ah oui. Il n'y avait pas de question, tu voulais juste dire que tu passais devant chez lui? Ah, il t'a traumatisé, mais non! Mais imagine, attends, mais imagine, à 4h du matin, je me lève, il se promène un caleçon, je dis, bah alors? Ouais. Moi, je l'ai réveillé. T'es qui, toi? T'es un peu chelou qu'ils sachent où tu habites et tout. Enfin, bon, je veux regretter personne, mais on est sur une petite alerte. Peut-être qu'ils habitent pas loin l'un de l'autre de base. Non, mais vas-y, pose ta question, t'inquiète. Bah, il ose plus maintenant. Non, vraiment. Comment on est? Voilà. Vraiment, je sais plus comment dire. D'accord, et bah réfléchis, tu sais quoi, réfléchis. Remets ça dans l'ordre, on revient vers toi dans un instant, on va se faire des questions Twitter parce que vous êtes nombreux à vouloir parler à Vargas. Vas-y Pablo. Amandine, elle te demande en combien de temps tu l'as écrit à peu près ton spectacle et si c'est que des éléments de ta vie comme sur Snap ou si t'as inventé des trucs aussi un peu. Non, c'est pas les éléments de ma vie, il y a pas que ça, un spectacle, c'est faut trouver ses propres blagues. Ouais. Et j'ai beaucoup écrit avec mon équipe de production, avec aussi Gallo qui s'appelle et... deux autres personnes qui sont vraiment sympathiques, qui m'ont beaucoup aidé. Et franchement, ça va envoyer. Je vous le dis, moi. Ah, ça va être énorme. Faut être là. Ah, bah, de toute façon, nous, on sera là. Enfin, Marion va te gratter des places. Mais... Ouais, comme avec grand plaisir. Vous êtes tous invités. Allez. Eh ben. Tous invités. Chambé. De toute façon, lui, il sait, il habite chez toi. Donc. Ouais. Et Lou, elle demande si t'aurais envie de faire du ciné après ça. Ah, bah oui. Avec grand plaisir, c'est un de mes rêves. Hein. Mais t'as déjà été contacté pour ça ou pas? Pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est des rôles, des petits rôles. Ah ouais, c'est toi tu veux un gros rôle direct. Non, pas un grand rôle, mais un rôle, un rôle bien quoi. Ouais. Un rôle genre, ils me disent ouais, fais le mec de cité, je vois, ça me correspond pas. Non. C'est pas une bonne image. Ouais, moi, t'as raison, faut faire attention. Image, moi. Je veux que ma mère elle soit fière de moi. Ouais. C'est trop mignon, mais s'il est il tellement veut faire un comptable. Fan de sa mère. Ouais, non, en fait, le film qui va genre Omar Sy. Ah ouais, tu veux être Omar Sy. Ouais, le film de Omar Sy. Omar Sy, c'est le mec qui t'a donné envie de faire tout ça. C'est le mec que tu kiffes, quoi. Avec Ahmed Sy, là aussi, il est bon. Ouais. Ah, Ahmed Sy, là, il est tellement bon sur scène aussi. Ah, il est bon. Allez, une dernière question, Pablo. Une dernière, Nathan, il demande si tu joues aux jeux vidéo et si tu joues à quoi? Bah, à cause de son Chico, bah, il m'a fait connaître Fortnite. Hein. Mais ouais. Il est trop fan, hein. Ah, bah oui, il est trop fan. Ah, hein. Un jour, à 4h du matin, je rentre de soirée, j'entends quelqu'un crier à 4h du matin. Je dis, ouais, mais il se passe quoi chez moi? Il enlève son casque, il me dit, non, t'inquiète, c'est une partie. Ah ouais. Il dit, mais il est 4h du matin là. Ah, oh, t'inquiète. Si, du coup. Et tu joues à FIFA, truc comme ça ou pas trop? Ouais, ou un peu? Ouais, celui qui veut jouer contre moi, je suis là. Eh ben, tu sais quoi, on a offert des jeux vidéo tout à l'heure dans le public, donc si vous voulez faire une petite partie face à Vargas, il est chaud a priori. Nickel. Nickel. Et bah, et en tout cas, merci Vargas, parce que c'était vraiment super cool de t'avoir. Et Pablo, j'ai l'impression du public, il fait la gueule de ouf. Tu l'as vraiment traumatisé. Pablo, il n'y a pas de mal, hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Et c'était de la vanne, tout ça. Juste arrête de le suivre, c'est tout. Ouais, arrête de le suivre, c'est lui. En vrai. On reste pas devant chez lui. J'ai un dernier message. T'as un dernier message? Ouais, un message pour laver le... Ah bah vas-y, bah vas-y, non, Vargas, vas-y, fais-toi plaisir. Okay. Donc je fais ce message, c'est pour déjà, si je fais tout ça, c'est pour ma mère, mes frères, tous les gens qui me soutiennent, la V92, et tous les gens qui croient en moi. Là, je vais faire un spectacle. Je donne tout pour que ça marche, parce que je veux pas décevoir la V92. Et franchement, je vous invite tous à venir parce que ça va être la débandade. Et allez. Si j'ai un dernier truc à dire, c'est merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Franchement, c'était vraiment super cool de t'avoir dans l'émission. Tu seras toujours le bienvenu, Vargas. Merci beaucoup. On t'embrasse très fort. Merci à vous. Ouais, et on va continuer à suivre tes aventures sur Snap, Instagram, partout. Allez checker ça si c'est pas encore fait. Vargas avec 3S92. Exactement, et on va se connecter avec Lovin Fun. Bonsoir Lovin Fun. Bonsoir le Night Show. Bonsoir Karel. Comment ça va? Bonsoir. Bah, c'est, écoute, en pleine forme. Vous nous manquez là. Vous êtes en bas, nous sommes en haut. C'est vrai qu'on est dans un autre studio, mais c'est vrai qu'on est en public et ça fait tout chaud quoi. Ah bah, ça fait chaud au cœur. Ah, et franchement, merci pour cette belle émission. On vous souhaite une très bonne émission à vous aussi jusqu'à minuit. Ouais. Et ben ça fait plaisir. Oui Marion. Karel, tu me feras penser demain. J'ai une grosse exclue pour toi qui concerne un membre de ton équipe. Il faut que je te raconte demain. Oh putain. Ouais, tu verras. Là on n'a pas le temps, mais demain tu vas halluciner. Ça chope, ça chope. On vous ça, embrasse. C'est pas vrai, attends. Oh là là, bah t'en dis trop. T'en dis trop. Non, mais pourquoi on n'a pas le temps? Attends, est-ce que ça a un rapport avec Méloge du Standard? Tout à fait. Oui. Ah, c'est pas vrai. Oh vous verrez demain, on a une paparazzade. Attends, c'est pas vrai. Non, parce que ça se trouve, non, parce qu'elle nous a dit que ça faisait 600 jours qu'elle avait pas fait l'amour. Ouais, ça se trouve, elle arrête pas de. Eh ben justement, demain, on aura une petite discussion avec Méloge. Ok. Révélation demain, on a hâte. Gros bisous les filles. Soyez bien là demain dès 20h, c'est la dernière juste avant les vacances. On vous embrasse, à demain. Bisous. Tous les soirs, plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit, avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio, Radio, Radio. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. Ça fait plaisir d'être là, on est mercredi soir, on est en direct, on démarre une nouvelle soirée avec vous tous, vous toutes. Je m'appelle Karel, bonsoir Doc. Bonsoir. Le Doc, avec sa belle voix suave. Non, c'est vrai, t'as une très jolie voix de radio, Doc. Tu savais que t'avais une aussi belle voix, comme ça, qui passait bien à la radio et tout? J'ai fait un peu de radio étant jeune et on me l'avait un peu déjà dit, ouais. C'est vrai. Mais à l'époque, je supportais pas ma voix, moi. Ah oui, bah écoute, finalement c'est passé. Bah oui, non mais on supporte ta voix tous les soirs avec beaucoup de plaisir, Doc. Non, et vraiment, on est très heureux aussi d'avoir Alice dans cette émission tous les soirs. Elle aussi, c'est une voix incarnée, c'est une. Oula. C'est pas qu'une voix. Ah, c'est ça, et tu sens surtout que c'est quelqu'un qui a du caractère, Alice. Ah bon? Ah ouais. Pourquoi tu dis ça? Déconner. Bah déjà, c'est typiquement le style de fille qui ne peut pas accepter que le bureau soit mal rangé. Ah oui, non, mais ça m'énerve. Donc, ne suis fautive de rien. Hein, si vous rangez mal vos trucs, si vous ne retrouvez pas vos choses alors que c'est organisé, voilà. Je ne suis fautive de rien. Je préfère le dire. Hein. Non, mais on dit toujours que dans un couple, il y a un dominant et dominé. Et là, c'est dans l'équipe. Il y a une dominante et que des dominés. Ah oui, c'est comme ça. On est un peu une troupe de loups. Je guide la meute. C'est la louve. C'est la louve. D'ailleurs, hier, elle a rangé Remus le bureau. Remus et Romulus. C'est ça. Et hier, elle a rangé le bureau. Et en fait, elle a tellement bien rangé le bureau que du coup, elle a rangé les clés de Cassim qui s'est retrouvé comme un con devant chez lui. Il ne pouvait plus rentrer chez lui. Putain, ça va, Cassim? Bah oui, très bien. Mais ouais, hier soir, je rentre chez moi. J'arrive devant chez moi et putain, pas les clés. Et pourquoi? Et en fait, j'avais vu Alice ranger du côté de mon bureau et je me suis dit, oh la connasse. Ah, elle a rangé mes clés. Alors que je veux dire, je les ai juste rapprochées d'un endroit bien, tu vois, mais le mec les a pas prises, j'y suis pour rien. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'au lieu de se dépêcher de revenir à la radio, il fait quoi le mec? À 1h du matin, il m'appelle, énervé, en me disant t'es qu'une connasse, tu sais, pour me faire culpabiliser, j'ai pas mes clés et tout. Je lui dis écoute, ne perds pas de temps, va chercher tes clés, Cassim, parce que t'en as pour 45 minutes encore. Donc finalement, j'étais pas mécontente. Alors si vous avez besoin de quelqu'un pour faire le ménage chez vous, ah oui, voilà, même Alice, gratuitement. Même gratuitement. Ça me fait plaisir. Ça fait fait partie, voilà, Alice fait partie de ceux qui aiment faire le ménage. Bah, j'aime bien. Partout en France. Ouais, c'est ça. Et on va créer Alice fait le ménage chez toi. Ouais, c'est ça. Il y avait Bruno qui paye les factures. Alice fait le ménage chez toi. Mais grave, comme tu sais, les nanas qu'il y avait à l'époque sur M6 avec leurs grands gants avec des petits trucs. Ah, comment ça s'appelait cette émission? Tout propre. C'est du propre. Ah ouais, non, mais attends, ils allaient dans des endroits, c'était au secours. Quoi. Mais tu as vu la satisfaction quand même du avant-après? Moi, c'est ça que je recherche. J'adore ça. Bon, enfin bon, là, il y avait de la merde partout. Des crottes de souris, je me souviens. Ouais, mais après, c'était génial. Qui a déjà eu un appartement comme ça, un peu dégueulasse? Souvent, tu sais, quand on est un peu étudiant, quand on est célibataire. En couple avec quelqu'un de dégueulasse. Parfois, chez soi, ça ressemble plus à rien. Ça t'est arrivé, je crois, Cassim? Ouais, un petit peu, mais avec ma meuf, en fait, on s'en bat les couilles. On laisse des trucs, des caleçons, des chaussettes traîner et on se dit, vas-y, on range le week-end, mais le week-end, on veut pas ranger vu qu'on s'est retrouvés, quoi. Voilà, donc n'allez pas chez Cassim. Hein. C'est un conseil que je peux vous donner. On a Fares qui est avec nous. Salut Fares. Salut l'équipe, salut à tous. Salut Fares, bienvenue dans la Vin Fun. Merci de nous avoir appelé là au standard au 01 42 48 5000. Fares, on va écouter de la musique ce soir dans l'émission. Je vous annonce. Gam Gam. Tu connais ça, Fares? Non, pas vraiment. Bah, tu vas découvrir. Ok, pas de soucis. Marnik and Smack sur Fun Radio. FDVM sur Fun Radio. Till the Sun Goes Up. Et on écoutera aussi Black Coffee. Ce soir, je vous annonce que vous allez gagner un magnifique cadeau sur Instagram. Oui, Alice a lancé une grande opération. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? On va vous offrir vraiment un beau cadeau, un casque JVC. Oui. Et ça fait plaisir, un beau casque JVC pour Noël. Il suffit d'aller sur l'Instagram de Fun Radio. Vous allez tomber sur... c'est Love in Fun? L'Instagram de Love in Fun, oui. Ah, mais je ne savais pas, on ne me dit pas tout. Mais oui, c'est Love in Fun. D'accord, ce soir c'est Love in Fun. Donc, vous allez sur l'Instagram de Love in Fun et vous allez voir une petite photo où je suis très étonné de voir quelque chose dans une boîte. Mais tu ne nous diras pas ce que c'est? Absolument pas. Tu gardes le suspense jusqu'à demain. Vous avez jusqu'à demain soir, minuit. On fera le tirage au sort à la fin de l'émission, justement, juste avant de partir en vacances, pour nous dire, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. C'est ça. Balancez vos propositions en commentaire. Et puis, donc, du coup, je vous contacterai directement sur Instagram. On fera aussi une nouvelle battle ce soir. Je vous en dis pas plus, mais venez participer. 01 42 48 5000. Et on va aider Fares à Paris. T'es là, mon Fares? Je suis là. Ok, parle bien fort dans le téléphone. Fares, tu nous appelles pourquoi? En fait, j'ai un petit souci. Bon, en fait, c'est une situation qui est un peu gênante. C'est qu'en fait, je suis étudiant. On va faire un échange d'étudiants à Tenerife, du coup, dans les Canaries. Et là, ça fait 3 mois que je suis... Pas compris, Fares, là, les Canaries, là, c'est quoi cette histoire? Ouais, parce qu'en fait, on fait un échange d'étudiants. Ouais. Avec mon école à Paris, avec une école à Tenerife, en fait. D'accord, donc tu vas partir là-bas, c'est ça? Ouais, c'est ça, pendant trois mois. D'accord, à partir de quand, Fares? À partir là du 20 janvier. Du 20 janvier, d'accord. Donc le mois prochain, tu démarres l'année, tu pars à Tenerife pendant 3 mois, tout un semestre, c'est ça? C'est ça. Pour tes études, d'accord. Et après? C'est ça. Et en fait, le problème, c'est que je suis en couple depuis 3 mois. Ouais. Avec une fille, et elle est un peu amoureuse. Enfin, je pense qu'elle est amoureuse, j'en suis sûr. Et moi, sans plus. Voilà, vraiment sans plus. Et je sais pas, d'être là-bas en me disant, je suis en couple, je vais me retenir, je vais faire ça, je vais pas faire ça. Enfin, voilà. Je veux pas être coincé. Vraiment équilibre de ce que je fais. Oula, on t'entend pas bien, Fares. Parle bien dans le téléphone. On comprend à peu près ce que tu veux dire. Tu veux larguer ta meuf, c'est ça, quoi? En gros, c'est ça, ouais. D'accord. Et tu comptes sur nous pour ça? Je sais pas comment faire. Voilà, sans passer pour un bâtard. Sans passer pour un bâtard. On va donner des conseils. Mais sans passer pour un bâtard ou sans en être un? Ouais. Ouais, les deux, en fait. Bah non, mais Fares, tu te rends bien compte que c'est toujours un petit peu délicat. Il y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Je crois qu'il faut surtout être sincère et dire ce qu'on a sur le cœur, quoi. Si elle, tu lui dis qu'elle est, elle est très amoureuse de toi et que toi tu t'en bats les couilles, effectivement, elle va prendre cher, quoi. Tu vois, il faut que tu fasses ça bien, ouais, Fares. Je comprends. Mais après, voilà, c'est compliqué à annoncer quand même. Bah oui, tu te verrais dire quoi là, comme ça, spontanément? Je sais pas. Franchement, je voudrais l'annoncer calmement sans qu'elle pète un câble. Parce qu'elle a un caractère, du coup, Enfin, je veux pas la blesser ou quoi, enfin, tu vois. Et de toute façon, tu blesses toujours quelque part. Ça, c'est inévitable. Sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après, le moins possible, en tout cas. Bah, et alors, tu te verrais dire quoi? C'est quoi tes mots? C'est quoi tes phrases? On va voir. Je vais essayer d'être sincère. Ouais. On va dire, je vais lui dire comme quoi, que je pars à Tenerife, que je veux pas me prendre la tête, enfin, ou même, on sait jamais la tromper ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas bien. Là, c'est une excuse. Là, déjà. Le côté ne pas me prendre la tête, elle va se dire, donc ça veut dire qu'avec moi, je suis prise de tête, ouais. Tout ça. Tu devrais te la jouer différemment en lui disant en mode, bah, écoute, la distance, je suis pas sûre de kiffer, je vais mal le vivre, tu vois. Je vais mal le vivre parce que tu vas me manquer et tout, je vais pas être à fond dans ce que je fais sur place. Et je pense que c'est pas une bonne idée pour nous, on va se faire du mal, on va se prendre la tête, on pourra pas se retrouver tout de suite. C'est peut-être pas assez clair parce que du coup, elle peut encore espérer. Enfin, mais non, lui dire, je ne veux pas d'une relation à distance, quoi. Là, je pars. C'est ça, en fait. C'est qu'à distance, moi, j'aime pas déjà de base. Mais pas lui dire, j'ai peur de te tromper, alors machin, ça, c'est pas grave. Parce que c'est ça le risque, en fait. C'est que je me dis. C'est que je me dis, si je vais là-bas en tant que couple, j'ai peur de la tromper, on ne sait jamais. Enfin, ouais, mais faut pas lui dire. N'hésitez pas à venir nous dire. N'hésitez pas à venir nous dire, justement, si vous avez une bonne méthode. Hein. Je crois pas qu'il y ait de technique, hein, clairement. Mais si vous avez déjà largué quelqu'un en douceur. Généralement, quand t'es très amoureux de la personne, ça ne se passe jamais bien. Fares, tu voulais qu'on l'appelle en direct aussi, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien en fait. Ouais, t'es chaud toi, hein, sans déconner. Non, mais franchement, je vous jure, ça doit faire au moins 2-3 semaines que j'y pense à tout ça. Et je me suis dit, mais comment je vais lui dire? Même quand je la vois, je suis timide un peu. Je sais pas comment m'y prendre. Ah, de toute façon, elle doit déjà le sentir là. Ça fait 2-3 semaines. Ouais, bah oui, déjà, elle doit sentir qu'il y a un truc qui est bizarre. Ouais, donc là, ça va venir le. Ah oui, ça va venir le confirmer. Ouais. Moi, ma tendance, ça serait de te dire de plutôt miser sur le fait, écoute, je crois qu'on n'en est pas au même point, qu'on n'a pas tout à fait les mêmes envies, que je sens que toi, tu as envie d'une relation forte, stable, longue, etc. Je me sens pas sur la même longueur d'onde. Je suis pas prêt, je suis pas mature. Les mêmes sentiments, quoi. J'ai pas les mêmes sentiments. Ouais, plutôt dire ça, parce que ça, c'est vrai, c'est ce que tu ressens. Donc, après, tu vas le dire avec tes mots à toi, bien sûr. Hein. Mais trouver l'excuse de non mais je sens que je vais te tromper, la distance c'est pas mon truc, je veux pas me prendre la tête, je pense que tout ça risque de mal le prendre. Faut pas le dire. C'est à toi de voir ce que tu sens, hein, mais elle a un fort caractère, du coup il faut éviter les mauvais mots. Bah oui, Fares, en plus tu la connais bien, hein. Tu vas parler avec ton cœur. D'accord. Voilà. Ouais, non, c'est ça, pas de soucis. Bon, de toute façon, je sens qu'on va assister à une catastrophe. Hein, c'est sûr, moi je pense. Mais c'est sûr, Fares, tu pars dans tous les sens, ça se sent là. Ça se sent dès qu'on va te. Non, mais franchement, je suis stressé là. Ah, tu veux respire. Tu veux qu'on lui dise à ta place? Franchement, ça serait bien. Ah ouais, on le fera pas. On le fera pas, Fares, faut que t'assumes. Ah oui, faut que tu le fasses. Reste avec nous dans un instant sur Fun Radio. Fares va appeler sa copine. Ah, j'aime pas ça, hein. Arrêtez avec ça, hein. C'est la deuxième fois dans la semaine. 01 42 48 5000. David Guetta, Bébé Rexha dans un instant sur Fun Radio avec J Balvin. Vous écoutez Love in Fun jusqu'à minuit. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Nouveau son. Nouveau son Fun Radio. Feder. When I'm with you, I lose control. Cross Amsterdam. Les meilleures nouveautés démarrent sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Salut, c'est Bruno sur Fun Radio. Vous êtes prêts pour les fêtes de fin d'année? Les cadeaux, c'est fait, les teufs avec les potes sont calés et bien sûr, vous avez votre Sam. Oui, Sam, celui qui conduit, donc celui qui ne boit pas. Et à partir du 7 janvier, je paye les factures de Sam tous les matins à 8h10. Alors envoyez-moi vos factures d'essence, de taxi, vos billets de train ou même votre nuit d'hôtel à facture@funradio.fr. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Oh

sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio, merci beaucoup d'être avec nous. Dans un instant, on va retrouver Fares. Fares qui veut appeler sa copine pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Hein, on vous l'avait dit, hein, c'est la pire période des couples en ce moment. Ça valide ta théorie. Ouais. Mais bien sûr, Fares, il veut appeler sa copine pour lui dire, voilà, je vais partir 3 mois aux îles Canaries et bah, ça va pas le faire, on va se séparer. Et elle est hyper amoureuse de lui, donc ça va pas bien se passer. Fares nous a demandé des conseils, on lui a dit de parler avec son cœur, on va le faire dans un instant. On va aussi parler d'une statistique. Ça, c'est une statistique que t'as trouvée, ça, Alice, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a 50% des filles hétéros qui, en fait, ont déjà embrassé une autre fille. Du coup, on lance un peu le débat ce soir, que ce soit juste voilà, pour un défi en soirée, pour tester, ou même comme ça, pour un délire. Est-ce que vous avez déjà embrassé quelqu'un du sexe non, du même sexe, quoi. En fait. Ouais, embrassé ou peut-être même, vous êtes allé encore plus loin. Sucé. Oui. Hein, vous avez sucé, vous avez fait l'amour. Tout en étant hétéro. Tout en étant hétéro. Par exemple, moi, je suis hétéro, j'aime les femmes. Mais t'as branlé un mec. Non, je sais pas, je tente. T'as branlé un mec. Mais t'as embrassé ton meilleur pote. Non, bah, de mémoire, j'ai pas souvenir d'avoir masturbé un garçon. Mais tu nous avais déjà raconté. Mais j'ai déjà embrassé. J'ai déjà emballé mon meilleur pote, bien sûr, pour le délire. Genre. Mais oui, attends. Genre, ouais, non. Moi aussi, j'ai déjà embrassé plein de copines et tout en soirée, mais pas toute seule comme ça, cachée dans un coin. Ouais, non, nous, c'était devant tout le monde et c'était. Allez, emballez-vous. Ah, ouais, ou la première tout pelle. Tu picoles, quoi, tu vois, avec modération. Parfois, la première pelle, la première fois que tu fais un bisou, tu le fais des fois avec des potes pour essayer. Il y a plein de copines qui m'ont raconté ça. Et moi, mon premier bisou, c'était avec ma voisine à l'époque et c'était pour voir ce que ça faisait, quoi. Putain, tu t'entraînais, quoi. Ouais, on s'était mis dans le noir dans la salle de bain pour avoir l'impression que c'était pas elle, parce que sinon on pouvait pas le faire. Et j'avais senti pour la première fois une langue. Je crois qu'il y a plus de filles qui le font entre elles qu'il y a de mecs qui le font entre elles. Ah, donc tu t'es pas entraîné, toi, pour embrasser, non? Non. Non, t'as pas de souvenir. La première fois, dans et puis main. Voilà, ça y est. Allez, écoute, j'aime autant te dire que ce soir, Kassim, tu regardes avec beaucoup d'amour. Il a envie de s'entraîner avec toi. Ouais, de toucher son poil luisant. Moustache contre moustache. Fares. Hey, j'ai envie de vous dire un truc. Je sens que tout le monde a besoin de vacances. Hein, c'est demain soir, les vacances, les amis. Fares. Ouais. Fares. Alors, je vais te dire un truc aussi, toi. On n'aime pas faire ça. Hein, c'est pas trop notre délire. On aime des moments de bonheur. Clairement, on a aussi des sujets très lourds sur l'antenne. Après, on sait que là, tu vas faire du mal à quelqu'un et on va en être témoin. Nous, on t'a donné des conseils justement pour le faire le mieux possible. Donc, quitte à le faire, autant qu'on soit là et que ça se passe bien, parce que nous, on va rattraper. Fares, n'en fais pas trop, d'accord. Parle de toi. Non, je vais soft. Voilà. Préserve-la. Parle de tes sentiments. C'est ça. Voilà. Dis-lui que toi, t'as pas vraiment envie de te poser et que tu as la sensation de pas être sur la même longueur d'onde. Hein. Et tu l'aimes beaucoup, mais ça n'ira pas plus loin. Voilà. Il faut être clair. Et laisse-la s'énerver. Oui. Laisse-la s'énerver. Tu t'en prends plein la gueule. Et sois pas méchant pour autant, parce que souvent on vous connaît, hein, vous. Hein. Il suffit que la nana vous sorte un petit pic et bim, bam, je rajoute une couche alors que t'es déjà en train de la larguer. Si elle dit que t'as une petite bite, tu acceptes d'avoir une petite bite. D'accord, Fares? Ouais, on va dire. Mais oui, tu acceptes tout là. Hein, tout là. T'es pas en position de dominer qui que ce soit. C'est parti, Fares, on appelle Louise tout de suite. Et on est là derrière, on écoute. Ouais. Et on va t'aider. Calme, gentil. T'inquiète. Allô? Allô? C'est Fares? Oui, bébé. Ça va quoi? Mais du coup, t'avais jamais pas appelé, là. T'as vu lesquels arrivés? Tu devais m'appeler depuis je sais pas combien de temps. Ouais, mais parce que je travaillais, en fait, sur ça. Je te travaille. Ah, ok. Bah, je vois, parce que tu t'en ton appel. Ça va ou quoi? Ouais, ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bah, écoute, rien, j'ai ton appel et en attendant, je regardais la télé. T'as le boulot, ça arrive. Tranquillement. Ouais, ça va. Franchement, il faisait froid aujourd'hui pour livrer et c'était compliqué. Mais oui, il y a fond. Un pauvre petit. Ouais, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, alors? Bah écoute, pas grand chose, j'ai trop rien fait, quoi. Je me suis occupée, j'ai bossé aussi un peu et voilà. Tranquille. Et j'attends ton appel parce que tu me manques. Et je voulais te parler d'un truc par rapport à ça d'ailleurs. T'as vu ces dernières semaines, ils étaient pas trop bien de ouf, tout ça, enfin, tu vois, c'est un peu compliqué. T'as tu en même dit en plus. Bah oui. Et ouais, voilà, mais après, voilà, comme tu sais, enfin, je pars à Tenerife là, fin janvier. Et c'est compliqué, enfin, tu vois, moi je sais que, enfin, toi, je sais que t'es, voilà, tu cherches quelque chose en particulier, tu cherches vraiment une relation sérieuse, tout ça. moi je suis, enfin, comme tu dis, moi j'ai déjà dit que moi en amour je suis pas, voilà, je suis pas ouvert de ouf, tout ça. Bah après, c'est bon, tu pars quelques, ouais, quelques semaines, deux, trois mois, c'est, ouais, mais c'est, ouais, pas la fin du monde, quoi. Ouais, je sais, mais tu sais que, enfin, moi... Comme tu reviens après, c'est vraiment un truc sérieux. Ouais, voilà, mais c'est compliqué. Enfin, comment te dire, en fait, en gros, je sais pas comment, comment aborder le sujet. Tu vois, quand je partirai à Ténérife, enfin, j'ai réfléchi avant, même pas, j'ai même pas question de Ténérife ou quoi. Hein. C'est vraiment rien à voir. J'ai pas envie de faire peut-être y croire à quelque chose, en fin, enfin, à la fin, tu vois. Alors que ça va amener à rien, l'histoire, tu vois. Et du coup, je dois comprendre quoi, là, dans le fait que tu veux pas, je sais pas, bah, quoi, là, franchement, non, parce que, enfin, oui, je sais pas comment te dire, enfin, je veux pas te blesser, tu sais, t'apprécies de ouf, on délire de ouf, tout ça. Mais vas-y, là, au point aussi, crache le morceau, quoi. Ouais, mais enfin, je sais pas si ça peut amener à quelque chose, ce qu'on fait, tu vois. C'est compliqué. Pourquoi ça n'aimerait pas quelque part? Parce que, enfin, moi, quand j'étais très ensemble, je suis dans une longue relation, enfin, voilà, tout c'est ça, le début, donc c'est normal. Je suis plutôt fermé. Que je n'ai encore pas rien de concret parce que c'est que le début. De quoi? Je dis après, c'est normal qu'il n'y ait encore trop rien de concret entre nous, c'est que le début, donc. Ouais, je sais, non, mais voilà, quand même, au début, mois, tu ressens les choses. C'est pas une relation de ouf, mais. Ouais, mais tu ressens les choses. Tu vois, tu sais, moi, par exemple, comme c'est un truc que tu ressens, tu vois, de base, tu sais que ça va te mener un truc ou pas. Donc là, t'as enfin, moi, je pense que tu veux être avec moi, en fait. Ben, ouais, dans cette façon, ouais, tu veux voir ça comme ça. Mais franchement, je veux pas que, tu vois, ben, je veux pas que tu prennes mal ou quoi. Il faut vraiment me comprendre aussi, par rapport mais à ça. Déjà, tu m'appelles, tu me dis ça par téléphone, et ensuite, tu me dis que tu veux pas que je le prenne mal. Ouais, mais parce que c'est compliqué. Enfin, en fait, c'est juste pour des excuses, mais c'est n'importe quoi, juste parce que... Parce que tu sais pas si ça va donner quelque chose ou pas, mais après, si tu essayes pas, c'est clair que ça va pas donner quelque chose, quoi, au bout d'un moment. Ouais, non, mais aussi, parce que, non, tu sais, en plus, c'est très bien que moi, de base, je suis grave fermé niveau amour, déjà. Depuis ma dernière relation, c'est très bien que je suis comme ça. Tu vois, ça fait 3 mois on est ensemble. Et c'est déjà parlé de ça, que je suis très compliqué par rapport à ça, tu vois. Bah ouais, mais en fait, tu ne laisses pas une chance, tu ne nous donnes pas le temps, tu veux que ça se passe comment, quoi. Parce que je sais, tu vois, avec mon départ, ça, je sais qu'il y aura pas de ressentir. Ouais, mais quand même, enfin, je sais que je vais peut-être pas ressentir le manque, tout ça. Enfin, c'est très compliqué, même pour moi, ça va prendre la tête. Qu'est-ce que t'en sais, du coup, si t'es là, tu dis, ça se trouve, tu vas pas me manquer, mais qu'est-ce que t'en sais si tu t'essayes pas, tu vois? Je sais pas, parce que c'est pas bah, possible, tu sais, j'aurais pas en train de faire compliquer les choses. Tu verras bien après si vraiment je te manque, si je te manque pas, si t'as vraiment envie d'être avec moi. Non, mais je te jure que. Je sais pas, t'es en train de faire compliquer les choses. Ou alors t'as juste choses, envie de partir avec tes potes et en profiter et être célibataire pour pouvoir en profiter. Non, c'est même pas mieux, mais qu'on se fait dire n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On va tourner un petit peu en. Bon, tout se passait pas. Allô? Tout se passait très bien. Allô? Allô? Oui, bonsoir Louise. Oui. Bonsoir Louise, on va tourner un petit peu en rond parce que là forcément Fares il commence à te dire quelque chose et toi c'est quelque chose que tu vas avoir beaucoup de mal à accepter et on peut le comprendre. Alors Louise, t'es en direct sur Fun Radio ce soir, d'accord? Ouais, ok. T'es dans une émission qui s'appelle Love in Fun. Moi je m'appelle Karel, il y a un médecin qui est là, il est sexologue, c'est Doc. Et Alice aussi qui est présente. Et on est tous témoins de cette histoire dont nous a parlé Fares. Donc le mec m'appelle à la radio pour me dire qu'il me quitte en fait. Parce que t'es quelqu'un d'important pour lui et parce qu'il voulait pas faire des conneries. Fares nous a appelé parce que quelqu'un d'important pour lui, il aurait fait autre chose. Je sais pas comment te le dire. C'est compliqué de dire ça quand même. C'est toi qui le veux bien, c'est toi qui le veux bien. Louise. Oui, d'accord, mais ça n'a rien à voir. Enfin, c'est compliqué à dire quand même. En tous les cas. Fares, il a pas envie de te mentir. Il a envie d'être sincère. Il nous a dit voilà, je vais partir à partir du mois de janvier et j'ai mais pas. Mais c'est Trina qui partait. Pourquoi il s'est mis avec moi dans ce cas Parce qu'il a pensé. Parce que j'ai réfléchi entre temps. J'ai cogité. Tu sais, il réfléchit. Quand t'es tout seul, enfin, tu vois ce qu'il veut dire. C'est compliqué. Ouais, même moi, je suis pas content de cette histoire. Hein. Je suis n'importe quoi. Pour moi, c'est juste des excuses, mais n'importe quoi. Bah, pas des excuses, c'est comme ça. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, en fait. Parce que tu veux pas entendre ce que je te dis. Louise. J'ai un cadeau de Noël à revendre, si vous voulez, du coup. Louise Fares, il parle de ses sentiments. Vous n'êtes pas, a priori, sur la même envie au même moment. Donc, Pourquoi qu'on n'a pas les mêmes, ouais. Oui, voilà, il semblerait que ce soit ça. Et quand il s'est mis avec toi, bon, bah voilà, c'est léger, on y va. Et puis, bah, la tournure que prennent les choses, il voit bien que toi, t'as envie de quelque chose de sérieux, de long, de posé, etc. Et puis, bah, lui, il sent qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, je crois qu'effectivement. C'est clair que si je me mets avec quelqu'un, c'est pas pour le quitter 3 mois plus tard par téléphone sur une radio. Oui. Alors, après, la radio, c'est parce qu'il est embêté, qu'il trouve pas les mots, qu'il avait besoin de courage, que ceci, que cela, parce qu'il savait pas faire en face à face comme ça. Donc, bon, ça, c'est juste une aide. Voilà, on c'est était pas là faire pour... en face à face, mais c'est le faire devant des milliers de personnes. Ah, tu sais, c'est pas en face à face, c'est pas devant. Il n'y a, oui. a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise façon. Il y a surtout un moment qui n'est pas évident, où il y a des sentiments qui se mêlent et c'est jamais... Enfin voilà, on se met complètement à ta place, Louise. Tu as un appel de Fares ce soir, tu t'attendais, voilà, on l'a senti, tu étais heureuse de l'avoir au téléphone. Tu t'attendais pas à ce qu'il te dise que pour lui, l'histoire devait s'arrêter là. Maintenant, il faut aussi parfois, et c'est ton droit à lui en vouloir, il faut aussi parfois savoir accepter peut-être la chose, parce que Fares, il va pas se forcer, il veut pas que tu l'attendes. Voilà. Ah, moi, j'aime pas faire ça. Chiant. On voit bien que Louise, que t'es volontaire, que t'as envie, que tout ça pour toi, c'est pas difficile, tu pourrais attendre, hein, tout ça, c'est pas des épreuves. Pour moi, c'est des excuses, sachant qu'il part pas énormément et que s'il essaye pas, qu'est-ce qu'il en sait, franchement, tout n'importe quoi. Peut-être que Louise, tu t'as déjà vécu des choses comme ça et que tu sais que des fois, tu les sens. Ou tu les sens pas, et c'est tout. Il y a pas plus que ça, voilà. Il y a pas d'excuses à trouver. Mais une relation, on l'a pas comme ça en plein corps des deux, on l'a construit. Donc au bout d'un moment, si c'est pas du sien, c'est clair. Bien sûr. Ça n'a jamais marché. Encore faut-il en avoir envie. Alors, Fares, on va te repasser un petit peu Louise en antenne. Hein, on va pas non plus continuer trop d'en parler comme ça à l'antenne avec Louise qui souhaite pas forcément passer sur Fun ce soir, surtout dans ce genre de situation. Ça, vraiment, on se met totalement à ta place, Louise. C'est le début, en tout cas, voilà, Fares, d'une rupture. Je pense qu'il faut clairement que tu vois Louise pour aller au bout des choses. Tu lui dois au moins bien ça. Et on prendra des nouvelles de toi, Fares, demain dans l'émission, d'accord? On te repasse Louise en antenne et bon courage Louise, on pense fort à toi. Merci. Ouais, salut. Merci. Salut Louise et salut Fares. Alors, on le fera plus ça, je vous le dis, moi j'aime pas. J'aime pas, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Hein, tu sais, non mais mine de rien, tu sais, bon, faut pas être hypocrite, tu sais, tu passes à la radio et tout, t'as peut-être pas forcément envie de passer à la radio dans ce genre de situation et tout. Ah, déjà au téléphone c'est compliqué. Ouais. Quoi. C'est vrai que quand tu veux te séparer de quelqu'un, le minimum que tu lui dois au moins, c'est de le voir en face à face et t'expliquer avec lui quoi. Après nous on est là et pour vous aider hein, mais c'est le plus dur évidemment. Bien sûr. Ah bah oui, mais là faut pas être lâche. Il faut l'assumer. Oui oui, c'est un minimum. Il faut porter la souffrance de l'autre et la regarder pleurer si besoin. Bon alors on va totalement changer je vous le dis d'esprit puisqu'on va avoir Florent qui adore sentir son cul. Bonsoir Florent. Bonsoir l'équipe. Salut. Salut. T'as 19 ans, t'es un maubeuge. Ouais, c'est ça. T'es un sniffer de cul toi. Sniffer de cul. Ah oui, j'adore sniffer mon cul, voilà. T'adores y a rien à dire. T'adores sniffer ton cul et tu veux savoir un truc par rapport à ça, c'est ça? Bah ouais, est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis tout seul? Ah, sniffer ton cul et genre tu te mets un doigt dans le huc et après tu sens. Mais quoi. Non, pas des dents, tu vois, un petit doigt sur la raie et puis après tu sens, tu vois. Quel enfer! Restez avec nous, je suis sûr que Coco du Standard, il a pas l'air étonné, il le fait. Ah, allez, restez avec nous, voici David Guetta sur Fun Radio. Let go, come on. Escucha como digo tu nombre. Desde Medellín hasta Londres. Cuando te llamo la mala responde. No pregunta cuándo, solo dónde. Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta. Una adicción que sabes controlar. Y te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Say my name, if you love me, let me hear you. Say my name, I am dying to believe you. Appelez Karel, Alice et Doc de 22h à minuit. Un mini drone a gagné au 01 42 48 5000. On jouera dans un instant sur Fun Radio avec la battle. Si vous voulez vous inscrire, c'est le numéro de téléphone à appeler. C'est pas plus cher qu'une communication locale. Je rappelle bien sûr que quand vous passez sur l'antenne, eh bien, nous vous rappelons de toute façon. Donc c'est totalement gratuit. N'hésitez pas. On fera également tout à l'heure un petit tour du côté de l'Instagram pour aller voir un petit peu vos propositions. On a lancé un grand concours avec un casque JVC à gagner. Petite photo sur l'Insta de Love in Fun. Dites-nous ce qu'il y a dans la boîte. Vous allez voir que sur la photo, je suis complètement ébloui par l'intérieur de cette boîte. Et c'est à vous de trouver ce qu'il y a dans la boîte. N'hésitez pas, lâchez vos propositions en commentaire pour jouer. On fera un tirage au sort. Vous avez jusqu'à demain soir. Demain soir, minuit, l'heure à laquelle nous partirons en vacances. On vous régalera avec un casque JVC. En attendant, on va accueillir Florent. Il a 19 ans, il est à Maubeuge. Bonsoir Florent. Bonsoir l'équipe. Salut. Bonsoir Florent. Alors toi tu as une particularité et c'est étonnant parce que en parlant avec l'équipe, on a fait quelques découvertes sympathiques. Vas-y mon Florent, dis-nous tout. Bah moi je vous explique. Alors j'aime bien mon odeur au niveau de mon trou du cul. C'est-à-dire Ah tu l'aimes bien carrément. J'ai cru que tu reniflais juste. Alors renifler c'est Ouais, vas-y. Non mais ouais, je renifle ça, je passe mon doigt dans ma raie, tout ça, et je sens, et franchement, j'aime ça, quoi. T'aimes sentir... Non mais il y a aucun problème, je veux dire... Il y a longtemps que ça t'arrive ? Ouais, pour plusieurs années, ça se compte en années. D'accord, mais sentir ses odeurs corporelles, c'est les siennes, je veux dire. Enfin voilà, il y en a plein, ça les dérange pas. Hein. Ah, mais on doit dans le cul quand même. Hein, non, genre, quand tu dedans, te mets... Alors, moi, bien, c'est l'arrêt. Ouais, enfin, je suis d'accord que là, enfin voilà, dès que tu commences à toucher là où il y a le. Voilà, la merde. Mais de là à éprouver un plaisir, chaud, j'aime bien mes odeurs de cul, tu vois, c'est. Je sais pas. Il y a des phéromones, il y a des glandes sudoripares, ça peut être le mélange de tout ça. Ouais. Voilà, ça peut être particulier et avoir une sorte d'encens de musc qui est particulier à soi-même. Et donc, on aime bien ses propres odeurs, des fois. Après, comme on aime bien ses odeurs de paix. Il y a une différence, je suis d'accord, Doc. On aime bien ses odeurs de paix. Enfin, ça ne nous dérange pas si c'est notre odeur, alors que si c'est celle de Francis Aigu d'RTL2 qui pète dans notre bureau. Voilà, c'est chaud. Là, franchement. Et ça pique les yeux, là. Ça pique. Tout le monde vomit après. Non, mais il y a une différence entre se gratter l'arrêt et sentir et se mettre la main au paquet juste pour vérifier si tout va bien, un petit côté clean quoi, tu vois. Mais ça veut dire quoi ça? Bah ça tous les mecs le font. Mais quoi côté clean pour sentir? Mais non, mais petite main au paquet. Allez hop. Ah bon, c'est pareil. Le soucouille. Ouais, tu mets et surtout en fait tu frottes du côté de l'aine entre tes couilles et ta cuisse, tu frottes deux ou trois fois et après tu sais tu sens et tu sais après t'enlèves les peaux mortes. Ah mais n'importe quoi. Gommage. Alors attention, je veux une musique d'événement Kassim s'il te plaît car oui, nous venons de l'apprendre dans cette équipe. Quelqu'un pratique le touchage d'anus. Et elle sent l'odeur. Alors on l'a piégé, Méloche, parce que j'ai fait croire que moi je le faisais de temps en temps. Et du coup, quand il y en a un qui dit les choses, les langues se délient. Ah, ça décomplexe. Et Méloche a été totalement décomplexée. Elle nous a dit, moi il y a encore quelques années, je me mettais des doigts dans le cul. Après j'aimais bien sentir. Tout le monde le fait, non? Tout le monde mais le mais fait. Oui, tout le monde. Et là le on fait, lui a dit, bah non. Méloche. Mais c'est comme les gens qui disent qu'ils se curent pas le nez, alors que tout le monde se cure le nez. Soyez honnête deux secondes, s'il vous plaît. Non mais se mettre un doigt dans le cul mais pour le sentir. Mais genre, je sais pas, ça vous a jamais gratté le cul? Ah, mais c'est, en fait, c'est genre ça te grattait et après tu sentais tout. Ouais, ou même, je sais pas, des fois pour voir si c'est propre quoi. Oh mais du coup, et si ça l'est pas? Bah, tu sais, même des fois, si t'es pas sûr d'avoir bien frotté sous la douche, tu vérifies quoi. Oui, oui, ah ouais, bah mais oui. Mais tu pénètres quand même l'anus? Tu pénètres. Ah ouais? Ouais. Mais combien de phalanges, Méloche? On non, est sur combien de phalanges? Une phalange. Une on phalange quand même. Ouais. Une phalange. Non, mais attends. J'ai un cul serré, tu sais, après 606 jours. Florent, tu te sens un peu moins seul du coup, j'imagine. Ah ouais, je suis content. Méloche, bon. On se comprend. Elle pourrait te faire sentir son doigt peut-être. Ouais, on a échangé nos doigts dans le cul. Hein, non, mais c'est ça. Ouais, mais est-ce que Méloche, toi aussi, genre, quand tu chies et tout, t'aimes bien les odeurs qui en découlent? Bah ouais, l'odeur de ma merde, ça me dérange pas quoi. Ah bah voilà, on se comprend. Bah okay. Oui, on se comprend. Bon, on alors on a formé un coup. Il faudrait un petit date là, voilà, qu'on parle de tout ça. Eh bah dis donc, il aura fallu attendre l'avant-dernier jour de ton stage, Méloche. Hein. Eh, Florent. Oui. Florent, t'es célibataire toi? Non, malheureusement. Mais... Ah bah voilà. Elle est au courant de ça, ta copine? Ouais. Ah bah ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, donc je vais pas lui en parler tout de suite. Ouais, bon, franchement, que ça ne... Enfin voilà, c'est vrai que c'est un peu dégueulasse, mais il n'y a rien d'étonnant à ça, Doc. Non, hein. Parle pas, et surtout, ça n'est pas grave. Voilà, comme dit Doc, il y a des odeurs, des phéromones, des machins, oui. Des trucs... Fais pas ça en public, quoi, juste... Hein. Non mais quand on fait l'amour, par exemple, je sais pas, 4h du matin après une grosse journée, c'est vrai que dans le pieu ça sent le cul quoi. Non, mais, ça sent le cul, mais bon voilà quoi, on est dans le truc, on est dans. C'est non, animal. Mais c'est vrai, ça sent le cul quoi. C'est animal. C'est assez animal, non mais c'est vrai. Non mais moi je vous assure, moi j'ai un souvenir, j'étais rentré avec une fille et tout, et putain, en plus elle m'a dit qu'elle écoutait des fois l'émission de temps en temps. Donc, je vais pas dire quand c'était et tout, mais une fois je me souviens, c'était une dure soirée pour elle aussi quoi, tu vois, et je sentais qu'à 4h du matin, on était un peu fatigué et tout, mais on y est quand même allé. À un moment donné, j'étais un peu derrière et tout, et là je me suis dit, oh putain, ça double cul. Oh non, c'est pas possible. C'est horrible. Et franchement, non mais voilà, et c'était ces odeurs un peu de bien sûr, voilà tout quoi, ça mélangé. De voilà. Et ben, et vous savez quoi, on va s'arrêter là. S'il vous plaît, on va rester un peu dans la poésie. Joyeux Noël. L'amour. Joyeux Noël à tous. Mets-nous une musique de Noël, tiens. Allez, une petite musique de Noël. Oui, Florent, on t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est dans quel siècle ça que ça t'est arrivé de faire l'amour? Dans quel siècle? Ah, tu me chambres. Ouh, c'était drôle. Ah bah allez, oui. Mon Florent. C'était il y a pas si longtemps que ça, mon Florent. Eh ouais. Eh ouais, eh ouais, ouais, t'es surpris, mon gars. Eh ouais. Moi, j'ai sniffé du cul il y a pas longtemps. Florent, gros bisous à toi, tu reviens quand tu veux. Allez, bonne soirée, l'équipe. Salut mon poteau, restez bien avec nous dans un instant sur Fun Radio. On va parler de ceux qui sont allés un petit peu plus loin, voilà, avec le même sexe, en étant totalement hétérosexuel. On est tombé sur une petite stat en fait. Il y a 50% des filles hétéros qui avouent avoir déjà embrassé une autre fille, comme ça, juste pour le délire. Donc on vous pose la question, que ce soit pour un délire en soirée, pour un défi entre potes, ou juste pour tester par curiosité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alice l'a déjà fait. Oui, je l'ai plein déjà de fois. Fait. Doc, tu l'as fait? Oui, c'est arrivé. Ah, voilà! Doc, il l'a déjà fait. Cassine, tu l'as déjà fait ou pas? Ouais, une petite fois, ouais. Une petite fois, c'est vrai? Voilà. Avec qui, toi? Avec qui? Avec mon meilleur pote, un petit smack. C'est vrai? Ouais. Ok, d'accord. Coco, sans tu... la langue. Coco, t'as déjà embrassé un mec, toi? Ah, ça m'est arrivé. Ouais, voilà. Méloche, t'as déjà embrassé une fille? Bah moi à l'époque on se faisait tout le temps des bisous quand je voyais mes copines quand je les rejoignais. Ah, mais moi Méloche elle me fait de plus en plus peur. Et après on sentait nos culs. Et chacun léchait son doigt. Restez avec nous dans un instant sur Fun Radio, on revient avec vous tous, vous toutes. La battle avec le mini drone à gagner, on compte sur vous. Hein. 01 42 48 5000 et ça. C'est Black Coffee et c'est dans moins de 3 minutes, à tout de suite. Suivez-nous sur Instagram. On tape en Love in Fun. À 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno dans la radio. Oh, les 21 ans aujourd'hui. Mais non. Et joyeux anniversaire. Happy birthday. Oui, ça se dit. Merci. 198 euros et 52 centimes. Qu'est-ce que c'est ? Une réservation Airbnb pour aller à Strasbourg. Tu sais quoi, je te paye cette facture de Airbnb. C'est gentil, je les écoute tous les matins. Et puis ça m'éclate. Eh ben Lucie, bon. tu vas pas pleurer, chouchou. Oh non, non. Non, non, je rote. Reviens demain sur Fun Radio. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël. Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam ? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect, Sam, mais c'est qui ? Bah c'est toi, Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Fun Radio présente Mala en concert. Every time I come around your city. Mala de retour en France pour son illégal tour en février 2019. Le 7 à Lille. Le 8 à Lyon. Le 9 à Nantes. Le 14 à Paris. Le 15 à Strasbourg. Et le 16 à Toulouse. My conversation is cash money. Infos et réservations, point de vente habituel. Mala en concert avec Fun Radio. Le son dance floor. 01 42 48 5000. Love in Fun. Love in Fun. Sur Fun Radio. I can't go fast enough to break free from the bond of your love. And I ain't been strong enough to let go and let God. I can't see clear enough the dust you left behind, and I can't get high enough to forget why I cry. So drive on. Coffee sur Fun Radio. De 22h à minuit. Love in fun. Du sexe, de l'amour et du fun. Sur Fun Radio. Jusqu'à minuit, on est là en direct sur Fun Radio. Merci beaucoup d'être avec nous. J'espère que vous passez une belle soirée. Kassim passe une bonne soirée ce soir. Grave. Je le vois plein d'entrain, sans déconner. Ils sont tout contents d'être bientôt en vacances. Ouais, c'est vrai que j'ai une petite goal là. Et demain, distribution des cadeaux Noël, les amis. Oui. Vous savez, comme tous les ans, il s'agit de faire un petit tirage au sort dans l'équipe. Tout le monde tire un prénom et moi j'ai tiré justement Kassim. Donc, j'ai tiré Kassim. Hein? Pas encore. Pas encore. Hein, j'ai surtout dû acheter des cadeaux à Kassim. Ah, voilà. J'ai hâte. Et, est-ce qu'on avait fixé un budget? Oui, oui, oui. C'était quoi le budget? Plus de 90 euros. Plus de 90 euros. Non, on avait dit 20 boules, à peu près. Ah bon? Par cadeau. Ah non, mais je suis persuadé que celui... Alors toi, c'est Alice, hein, c'est ça? Oui, je m'appelle Alice. Non, mais enchantée. C'est bien mon prénom. Non, c'est pas... Non, mais je sais que tu t'appelles Alice. Mais c'est la Alice... preuve qu'il n'est pas Alzheimer. C'est déjà Alice. Alice a tiré Clara. Oui. Clara qui s'occupe de tous les visuels de l'émission. Exactement, et j'ai très, très, très hâte. Ah bah, à mon avis, Clara, elle va être régalée. Hein, j'adore ça. C'est la plus généreuse. Alors que Kassim, lui, va déchanter. Oh bah oui, mais je sais. Vous verrez demain. Non, franchement, Alice connaît tes cadeaux. Tu m'attends à rien. Alors, c'est comment, Alice? Bah, ça va. Pour, venant de toi, franchement, t'as fait pire. Ah ouais. T'as fait pire. Ah, ça fait et plaisir. Et Karel, c'est pas l'as non plus des cadeaux. Oui, ça va. Ça va, c'est bon. Sachant que Kassim m'avait offert du pâté la dernière fois. Ah, mais ouais, Kassim, il a même pas acheté son cadeau pour Coco du Standard encore. Ah donc, Kassim, qu'est-ce que t'as fait? Non, mais j'ai pas eu le temps encore. Ouais, je vais y aller peut-être demain. Peut-être pas. Et Doc, t'as acheté ton cadeau, tu dois le faire à qui toi, Doc? Jérôme. Jérôme, à celui qui s'occupe des jingles de l'émission. Non, ouais. Je vais l'acheter demain. D'accord. Mais ah je ouais, sais d'accord. Ce que je veux. Donc ah, au dernier moment. Ah, putain, non, t'es comme bah, ça, Doc. Ça, tu ça remets-toi fait, demain. Ça fait trois semaines que je suis dessus. Donc, ah, ça fait trois. Eh ben dis donc. Il doit avoir mal, le pauvre Jérôme. J'espère que ça va être un beau cadeau. Hein, et vous vivrez ça demain, justement, la distribution des cadeaux. On parle là maintenant sur Fun Radio avec de ceux qui sont allés plus loin, même parfois très très loin, avec quelqu'un du même sexe, tout en étant totalement hétérosexuel. Ce sont des aventures avec quelqu'un du même sexe, mais qui ne change en rien notre sexualité. Parfois, c'est bah voilà, c'est juste envie de tester. Parfois, c'est un défi, comme tu disais, Alice. T'as vu un chiffre là-dessus, Alice? Oui, c'est ça. Il y a 50% des femmes qui avouent avoir déjà embrassé une copine, quoi, ou une fille tout simplement, juste pour le délire. Bonsoir, Fanny. Bonsoir, Fanny. Salut, l'équipe. Salut. Ça va, Fanny? Oui, oui, ça va très bien. Merci, vous. Ça va oui. Super. T'as 25 ans, t'es à Clermont-Ferrand et tu voulais réagir là-dessus. Oui, oui, oui. Bon, on t'écoute. Moi, en soirée avec une amie à l'époque, quand on allait en soirée, on s'embrassait à chaque fois pour éviter que les garçons nous embêtent, en fait, nous draguent. Ouais, c'est con. Hein. Ah, j'allais dire, ça va les exciter, les mecs. On s'oblige. En fait, finalement, c'était pas le truc, quoi. C'était vraiment pas le truc à faire parce qu'on attirait autant les filles que les garçons, donc. Ah ouais, c'est-à-dire, mais genre, vous vous emballiez, vous rouliez des grosses pelles et tout devant ouais, tout ouais, le monde. Ouais, parce qu'on aimait bien, parce que toutes les deux, on avait un piercing à la langue, du coup, c'était vraiment un kiff, on adorait vraiment faire ça, et même si, bon, du coup, à la fin, on s'est aperçu que, bon, bah, ça les rendait fous, nous, c'était notre délire de soirée, donc on faisait à chaque fois. Et tu prenais du plaisir à l'embrasser ta copine? Ouais, mon ami, ouais, franchement, c'était sympa. Ouais. Et t'as déjà essayé d'aller plus loin avec elle, qu'un petit bisou? Non, du tout. Jamais, tu te voyais pas, je sais pas, avoir des relations sexuelles avec elle, par exemple? Non, pas du tout. Puis bon, à l'époque, on était jeunes aussi, mais non, ça ne m'est pas traversé l'esprit. D'accord. Pas avec elle, du moins. Ouais, donc t'es jamais allé plus loin non plus avec une autre femme? Non. Juste les bisous. Pour toi, ça veut rien dire, un petit bisou comme ça? Non, même au jour d'aujourd'hui, si je dois refaire ça, ça me gêne pas. Ouais, c'est un truc agréable parmi d'autres, voilà. C'est décomplexé, c'est bien. Angélique aussi, on va l'accueillir. Bonsoir, Angélique. Bonsoir la famille. Bonsoir Angélique, t'as 25 ans et t'es à Tours toi, Angélique. Fanny, tu embrasses tes copines? Oui, voilà, on était en soirée entre potes chez moi et puis on avait pas mal bu. Et puis ensuite on a parlé de filles qui s'embrassaient et on nous a lancé un défi. Et puis voilà, ça s'est produit qu'une fois mais c'était pour tester quoi. Alors t'as kiffé? J'ai kiffé oui et non, mais je l'ai fait qu'une fois quoi. Ouais, mais est-ce que parce que t'étais bourré, tu t'es autorisé le truc? Oui. C'est parce qu'il y avait l'alcool, oui. Est-ce que, quelque part, tu t'étais pas déjà posé la question, tiens, et si j'embrassais une fille un jour, qu'est-ce que ça donnerait? Et tu oui, t'es si, servi. Aussi, hein. Ouais. Et je crois qu'il faut pas je être hypocrite. On s'est tous déjà posé la question, nous, filles. Bien sûr, c'est ça. Après, les filles se l'autorisent déjà un tout petit peu plus dans la tête ou se posent un peu plus la question que les mecs entre eux. Qu'un garçon, ouais, c'est sûr. Bah, d'accord, moi j'ai déjà embrassé par exemple mon meilleur pote, tu vois, c'était pendant une soirée. Ça va, Coco, tu viens de nous dire que t'avais fait la même chose. Ah, moi, j'étais obligé, j'étais payé pour, c'est pas pareil. J'étais C'est-à-dire en club, quand on faisait des spectacles. En club, alors voilà, je rappelle que Coco a travaillé dans le club Marmarin, c'est exactement, ça? Exactement, j'étais animateur, et il y avait un spectacle où en fait on devait s'embrasser. Donc j'ai déjà touché la langue d'un mec. D'accord. Mais je l'ai pas fait comme toi sous la pression. C'est quoi ce spectacle là? C'était je sais plus trop le sketch. Il y a pas de langue dans les spectacles, t'as oublié ton langue. C'était au Cap d'Agde, t'étais à poil. Et après j'ai fait l'hélicoptère avec ma vie. C'est ça. Et après on s'est payé pour. J'étais payé pour. T'as sans déconner. Donc Angélique, toi t'es sortie aussi avec une de tes amies. Alice aussi est déjà sortie avec une de ses potes. Bah je suis jamais sortie avec une de mes potes. Bah tu quand tu t'embrasses quelqu'un, tu sors avec. Mais non, ouais c'est ça. Non. Arrêtez vos conneries. Je suis désolée. Voilà, on était ensemble. C'est un raccourci là. C'est un raccourci. C'était ma coloc, donc si j'aurais voulu faire quoi que ce soit avec elle, je l'aurais fait depuis longtemps. Hein. Tu t'es tapé ta coloc, tu l'as emballé. Non, si, je n'ai pas tapé ma coloc. Si, je suis désolée, t'es sortie avec, Non, je l'ai pas, sortie avec. Embrasser, c'est sortir avec. Non, embrasser, c'est embrasser. Vous connaissez pas l'expression, vas-y. Doc. Non, mais excusez-moi. Il veut faire dire des choses que tu ne dis pas. Non, vous n'assumez pas. Exactement. C'est tout. Bah, il y a pas fantasme, là, je crois, en fait. C'est ça, je pense. Vous n'assumez pas. Mais franchement, si tu penses comme ça, mais tu m'étonnes que t'es déçu, toi. Mais pas du tout. T'es sûr. Embrasser, on est en couple. Non, mais j'ai jamais dit ça. Rouler une pelle, on est ensemble. Sortir ensemble. Alors, vous n'avez pas compris. L'expression sortir avec quelqu'un. Excuse-moi, excusez-moi, mais l'expression sortir avec quelqu'un, c'est juste embrasser la personne, non? Non, c'est être en couple. Sorti... Non, on sort ensemble. Merci Alice. Pas du tout. Tu veux sortir avec moi? Voilà, ça veut c'est dire sortir quoi avec. Mais non, tu t'embrasses. Enfin, moi, je sais pas, moi, au collège, voilà, j'embrassais une fille, j'étais sorti avec elle, et puis le lendemain, je la revoyais plus. Mais tu veux sortir avec moi, ça veut pas dire, tu veux m'embrasser? Je veux bien, Alice. Voilà, tu me poses la question, enfin, ça y est, tu te déclares, ça ne me dérange pas. Écoute, voilà. Donc, on sera pas en couple. On va juste rouler une pelle en fait. Déjà ce serait Noël. Alors faisons-le. Angélique, c'est grâce à toi. On accueille Thomas à Évreux. Bonsoir Thomas. Salut tout le monde, ça va? Ça va bien. Thomas, t'es déjà sorti avec un mec toi? Sorti avec un mec, non. Mais donc en fait, en gros, on était une soirée chez une pote à moi. On était tous un peu bourrés. Ouais. Et là, la nana nous a dit, vous n'êtes pas capable de vous sucer. Et le problème, c'est que moi, quand je suis bourré, il ne faut pas quoi m'en sucer. Vous n'êtes pas capable de vous de vous sucer. Voilà, magnifique. C'est génial. Vas-y, continue, Thomas. Donc là, ouais, vas-y. Et du coup, le truc, c'est que quand je suis bourré, il ne faut pas m'en faire de défi. Ouais. Et du coup, on l'a fait. Et du coup, on s'est... On l'a fait, ça va trop vite, ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que tu t'es retrouvé à sucer la bite de ton pote. C'est ça, et vice-versa. Vas-y, raconte, comment ça se passe ce moment-là? Donc là, t'es un peu pompette et tout, et là, elle te dit, capable de sucer ton pote, pas... Moi aussi, je suis bourré, je suis capable de tout. Et d'ailleurs, je vais me servir du fait que je sois un peu bourré pour enfin tenter l'expérience avec un homme. Hein? Parce qu'il y en a plein. En gros, le truc, c'est qu'on faisait une histoire d'affluvialité. Comment? Parle plus fort. En gros, le truc, c'est qu'on fait l'histoire d'Action Vérité. Ouais, d'accord, Action. Ah, bah, Doc voulait nous faire jouer à Action Vérité il y a pas longtemps. Hein? Et ça allait se terminer bien sale, hein, le truc. Hein. Non, il y a des niveaux différents. Il y a des trucs très, très cool. Vas-y, Thomas. Vas-y. Et du coup, mon ancien pote, parce qu'on ne voit plus, il a dit Action. Et là, la meuf, elle a fait, ouais, vous n'êtes pas capable de vous sucer tous les deux. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Et en premier, c'est-à-dire devant tout le monde, là, tu commences à sortir ton paquet, comment tu fais pour bander? On était que trois. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc non, la fille, en fait, elle vous a vu vous sucer l'un et l'autre, voilà. Mutuellement. D'accord, voilà, et à la fin, elle a sucé personne, j'imagine. Elle a trouvé avec elle. Vous êtes bien fait niquer, les gars. Ah, c'est génial. Ah, putain, t'imagines les deux gars qui voulaient se taper la fille et qui terminent par se sucer et tout. Ah, c'est bon, ça. Putain, et Thomas, alors, t'as kiffé ou pas? Toujours moins, vite fait. Arrête tes conneries. Non, mais je suis sûr que quand il t'a sucé, tu bandais bien. Et faut quand même avoir une érection, c'est ça. T'as été jusqu'au bout ou pas? Normal, il t'a sucé jusqu'au bout? Non. Il t'a donc sucé jusqu'au bout. Même pas, non, tu vois. Et toi, tu l'as sucé jusqu'au bout? Ah oui. Tant qu'à faire, oui. Ah ouais? Ah mais genre, jusqu'à éjaculation, quoi. Ouais, mais par contre, j'ai pas avalé. Ça, c'est... Ah, mais tu l'as eu dans la bouche, quand même. Et t'en as mis dans la bouche? Ah, même, non, même pas. Après, ah non, y a pas moyen. Il en a mis où, alors, sur toi? Non, je l'ai fini à la main sur lui, et puis voilà. Putain, non, mais c'est quand même toi qui l'as fini, quoi. Ah oui, ouais, mais... Bon, bah, au moins, t'as vécu ça et tu sais à quoi t'en tenir. Ouais, t'as recommencé quelque chose après? Non. J'aime trop les femmes. Ouais, c'est ça. Même pas cap d'enculer ton pote. Thomas, même pas cap d'enculer ton meilleur pote. Ouais, on va tout tester avec Thomas. Thomas, c'est le gars, il faut l'inviter en soirée. N'importe quel défi, tu sais, il le fait. Putain, et c'est énorme cette histoire. T'as sucé ton pote. Bon, t'as pas avalé, mais t'étais pas loin. Ouais, non. Bon, et en attendant, voilà jusqu'où ça peut aller. Et t'es hétéro, Thomas, t'es pas homosexuel. Ah non, je suis hétéro. Ouais. Bien sûr. Non, parce que pour le coup, ouais. Moi, on m'aurait dit, vas-y, pas cap de sucer ton pote. Non, pas cap de sucer mon pote. Là, tu vois, j'ai aussi une limite. Ouais. Hein, c'est ça. C'est vrai que le bisou. Chacun les siennes, et puis voilà. Voilà. Ouais. Bon, bah, et si. Bon, il était quand même bourré, il a dit. Ouais mais alors, bon, si Thomas, si ta pote, elle t'avait dit, vas-y, pas cap de vous enculer tous les deux. Là, j'aurais dit non quand même. Ah, voilà, donc il y a toujours une limite. Toujours une limite. C'est ça, voilà. Où est ta limite, toi, Doc? Oh là. Ah putain, on va se faire des belles soirées là avec Doc, hein, attention. Avec Action ou Vérité. C'est ça. Thomas, merci en tout cas pour cette histoire. Vous avez vu Angélique, hein, il est allé beaucoup plus loin. Ah ouais, il était beaucoup plus loin, ouais. Effectivement. Tu serais allé, toi, jusqu'à, je sais pas, doigter une copine? Non. Ça, tu l'aurais pas fait. Non. D'accord. Je suis 100% hétéro, il n'y a pas de souci. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais non, du tout, c'est juste une fois, un comportement, ça ne veut rien dire sur ta sexualité. Ça ne veut pas dire que ça ira plus loin. Bah non, bien sûr. Et ben voilà. Et ben merci à tout le monde comme quoi. Il y en a beaucoup finalement qui essaient quand même. Hein. Oui. Quelque part, après, c'est un défi, c'est une connerie, on n'assume pas. Mais bon, voilà quoi. Et pourquoi pas. Thomas, en tout cas, merci pour cette histoire. Angélique, Fanny, on vous fait des gros bisous. Dans un instant, on va se faire le baccalauréat Love in Fun. Et on aura Ludo aussi, 23 ans de Nantes. T'es là, mon Ludo? Salut à tous, bonsoir. Salut. Bonsoir. Salut. Ludo qu'on avait eu pour le Christmas Tour, c'était lundi la semaine dernière quand on était à Rennes et Ludo avait annoncé à sa meuf qu'en fait le séjour à New York, il avait oublié de le réserver pour Noël. Du coup, il l'avait annoncé à l'antenne, on réécoutera tout ça dans un instant. Tu bouges pas, d'accord Ludo? C'est parfait. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler à la cool, hein, jusqu'à minuit dans toute la France. Et avec maintenant sur Fun Radio, Marnik & Smack, Gam Gam sur Fun. Drake and Smack sur Fun Radio. Gam Gam. De 22h à minuit. On adore s'apprendre de vos nouvelles, on vous le dit régulièrement quand vous venez sur l'antenne. Et bien voilà, si vous débarquez ici, vous commencez à nous raconter votre histoire, on aime bien, justement. Et comme vous d'ailleurs, qui nous écoutez tous les soirs, ben voilà, avoir des petites nouvelles, ça fait du bien de savoir que quand vous passez sur l'antenne, ben, y a comme un petit service après-vente, un service après-vente Love in Fun, et on aime savoir ce qui se passe après ben voilà, l'appel qu'on fait souvent dans l'émission. Et c'est ce qui s'était passé avec Ludo. Qui a 23 ans et qui est à Nantes. T'es là, Ludo ? Ouais, je suis là. Ludo, qu'on avait eu pour l'émission quand on était à Rennes, là, pour le Christmas Tour. Tu nous avais appelé pourquoi, Ludo ? Ben, je vous avais appelé parce que je devais annoncer à ma copine que finalement, je l'avais promis un voyage à New York et que je n'avais pas pris les billets, etc. Et du coup, ça ne pouvait pas se faire. Voilà, vous aviez prévu de faire un petit séjour à New York pour Noël. Et j'aime autant te dire que dans sa tête, ça devait être un truc de dingue pendant des mois et des mois à se dire oh, putain. Et t'imagines, tu dis ça à tous tes potes, à tes copines et tout. Elle avait même réservé des trucs déjà. Oh, ouais, elle s'était réservé des hélicos, des trucs, des machins. Et toi, résultat des comptes, t'avais rien réservé du tout. Et tu lui as annoncé en direct à la radio que pour New York, en tout cas pour les vacances de Noël, c'était mort. Écoutez, à Nantes, en Loire-Atlantique. Ouais, bébé. Oui, salut, comment tu fais, c'est moi? Bah, y'a que toi pour m'appeler à cette heure-là. Ça va, t'es bien rentré? Ouais, nickel, merci, et toi? Ouais, ça va, merci. Bon, écoute, tout à l'heure, j'ai pas eu trop le temps, je sais pas si t'as vu, j'étais un peu distant, un peu froid, c'est juste qu'il faut que je t'avoue quelque chose, en fait. Ouais, justement, je voulais en parler avec toi, mais bon, je suis claqueur, je voulais rentrer, dis-moi. Ouais, ben en fait, voilà, écoute, je sais pas comment te le dire, on va pas aller à New York pour Noël. Tu me fais une blague? Non, je te jure, on va pas y aller pour Noël. Je savais pas comment te le dire et tout. Attends, je t'arrête tout de suite, tu te fous ma gueule là? Non, comme tous les ans, on va aller chez mes parents à La Rochelle, c'est prévu. Non, je te jure, oh, j'y crois pas une seconde, là je vais te défendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Ça fait 8 mois qu'on parle de ce putain de voyage? Attends. Je sais, on en parle, mais tu m'as dit que je devais m'occuper de l'organisation et tout ça, mais cet été, j'ai pas eu le temps, il y avait la Coupe du Monde et tout, tu sais combien j'aime ça et tout. Mais, j'ai pas eu le temps, et là les billets, enfin, j'ai voulu réserver là il y a des semaines et tout ça, mais c'était trop cher, enfin, je peux pas, c'est très très cher et j'ai pas les moyens. Non, mais attends, Ludo, tu te rends juste. Oh putain, je te jure, je vais te tuer. Mais, tu te rends juste compte que j'ai réservé des trucs, j'ai réservé l'hélico pour faire le tour de New York, j'ai réservé des trucs à Broadway. Chaque minute de chaque truc est organisée. Il y a ma valise, je suis en train de faire ma valise, là, j'ai commencé. Mais bébé, mais je sais, mais je suis désolé, mais je devais m'occuper, mais j'ai vraiment pas le temps et tout. J'ai pas pensé, j'étais occupé. Putain. Et je m'en veux, mais je te jure que si on n'y va pas Noël, on ira plus tard, je te le promets. Vraiment, je vais me rattraper. Je sais que t'as prévu beaucoup de choses et tout, et ça fait longtemps qu'on en parle de ce voyage. Je suis vraiment. J'arrive même pas à y croire. Tu t'es vraiment foutu de ma gueule, mais je te jure, mais il me prévoit même pas de voyage. Mais je me suis pas foutu ta gueule. On n'y va pas pour Noël, c'est tout. Je suis désolée, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre d'aller à La Rochelle quand normalement je devais aller à New York, alors genre tu sais très bien que c'est le rêve de toute ma vie d'y aller et tout, le sapin, le Rockefeller et tout, enfin genre ça t'est pas venu à l'idée de m'en parler genre alors que je t'en parle tous les jours et là tu me le dis au téléphone en plus, je te jure que je vais te défoncer. Je savais pas comment te le dire, mais bébé, je savais pas comment te le dire en vrai et tout. J'avais vraiment peur. On s'est vu avant et là tu me le dis au téléphone. Mais si je te l'avais dit encore, ça aurait été pire là, vraiment. Je te jure, je me sens pas bien. Je sais pas quoi dire, vraiment. Allô, Sonia. Sur la coupe du monde. Allô, Sonia. Oui, mais... Allô. Sonia. Bonsoir, Sonia. Bonsoir. Bonsoir, Sonia. Oui. C'est quoi ce bordel là? Alors, je vais t'expliquer, Sonia. Tu es en direct sur Fun Radio dans Love in Fun ce soir. Non, mais en plus, putain, mais il me les fait toutes, celui-là, c'est pas possible. Mais alors, qui est con? Sonia. Non, mais qui est con? On est plusieurs. Je m'appelle Karel, il y a Doc, Alice et le public de Rennes également. On est au bar Meltdown à Rennes ce soir, Sonia. Tu connais? Il va bientôt y en avoir un autre qui va ouvrir à Nantes là. Voilà. D'accord. Je te dis comme ça. Il y a New York aussi. Okay. Il y a New York parce que je vais y aller moi. Il y en aura pas. Il y en aura pas à New York justement. Et alors Sonia, moi je vais te dire un truc. Voilà. Ludo nous a appelé, il nous a expliqué la situation, il nous a clairement fait comprendre qu'il était vraiment désolé, qu'il savait plus trop, il s'est enfoncé dans son mytho. Et moi je vais te raconter une histoire qu'on m'a racontée cette semaine, Sonia. C'est Doc. Doc, il est allé à New York et il m'a dit ce sapin de Noël, c'est un peu surfait. C'est un peu superficiel. On reste comme des cons pendant deux heures. On est bloqué, c'est ça, hein, Doc, hein. Oui, ça c'est pour le jour de l'an. Oui. Ouais, voilà, ouais, à peu près. Hein, et au final, on l'a vécu, mais finalement, c'est pas forcément ça les meilleurs souvenirs de toute sa vie. Non, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus important à Noël que de se retrouver en famille, auprès de ses proches. À la Rochelle. Ceux parfois qu'on ne voit pas tout le temps, parce que il y a une seule occasion pour tous se rassembler, pour rassembler papy qui nous fait chier à chaque fois au repas de Noël. Et... Non mais attends, je t'arrête tout de suite. Je vais le défoncer. Hein. Essaye pas de trouver des bébés. Bébé, je jure que à Noël on va à La Rochelle et je te jure pour la Saint-Valentin, rien que tous les deux en amoureux, on va à New York. Voilà, Sonia, New York est toujours là et ne bougera pas. Non mais j'ai réservé des trucs de fou. Tu vas juste les décaler. Voilà, tu vas y aller pour la Saint-Valentin. C'est deux mois plus tard, même pas. Un mois et demi plus tard. Alors, ça va. Ça, Ludo s'engage aujourd'hui en direct sur Fun Radio à décaler ce voyage pour le 14 février. Je le promets devant toute la France, bébé, je te jure, je t'emmène à New York pour le 14 février, voilà. À la Saint-Valentin, tous les deux, vraiment, on va vivre un truc de fou, mais pour Noël, je te jure, je suis vraiment désolé, ça sera pas possible. Ok. Mais vraiment, vraiment, bébé, je te jure, je te l'ai promis, je t'amènerai à New York comme je te l'ai promis, et vraiment, on va y aller tous les deux, on va vivre un truc de fou, et tu t'en rappelleras toute ta vie, vraiment, je suis vraiment désolé, mon cœur. Putain, mais je te jure que t'as vraiment intérêt. M'en veux pas, je me sens déjà assez mal. Je te promets qu'on va y aller. Ouais, putain, mais oh là là, mais je te jure, mais attends, là, je vais venir te voir quand même, hein, on va un petit peu en discuter. on va en discuter, mais promis vraiment, je te jure, on va y aller pour la Saint-Valentin. Sonia, j'ai l'impression que t'es sympa avec lui parce qu'on est en direct à la radio. Ouais, oui. On va raccrocher, ça va être autre chose. Voilà. Non, mais je vais me faire défoncer, Karel. Je pense qu'il y a quelqu'un qui me comprend. J'ai l'impression de passer pour la personne horrible, mais il n'y a pas quelqu'un qui me comprend. Mais si, moi je te comprends. Hein. Évident. Ludo est une merde. Moi je l'aurais défoncé. Et chez toi, j'attendrais pas la Saint-Valentin et je partirais à New York pour Noël avec une copine. Et bim, rien à foutre de Ludo. Laisse-le tout seul à la Rochelle. C'est quoi cette solidarité féminine là, Karel? Exactement ça. Moi je me sens totalement féminine également. Arène, s'il vous plaît, le public, aidez-moi, s'il vous plaît. Non. Ne compte que sur toi-même, Ludo. On a dit que t'allais te laisser te faire laminer. Bah voilà. Ludo. Non, après, voilà. Après, elle me connaît, elle sait qui je suis, elle sait que quand je promets les choses, je les fais. Et voilà, c'est juste que j'ai vraiment pas eu le temps et je lui promets que pour la Saint-Valentin, ça sera plus beau jour de sa vie. T'as pris un engagement et alors, au mois de février, on vous rappellera tous les deux pour savoir si tu tiens bien ta promesse. Sonia, on est vraiment désolé de cette mauvaise nouvelle. Ça va être comme ça, de toute façon il a rien réservé. Donc c'est mort, il faut le comprendre. Après je pense que vous allez pouvoir parler. Eh oui Sonia, ouais. C'est pas pour demain. Génial. Gros bisous Sonia, on te fait des gros bisous. Salut mon Ludo. Salut, merci Ludo. À vous. Et passe une bonne semaine hein, Ludo. Oui, c'est dans la merde. Faut t'en occuper dès demain. Voilà, c'était il y a un petit peu plus d'une semaine justement. Et bah, on va savoir si Ludo a passé une bonne semaine avec Sonia. Raconte-nous un petit peu Ludo après cet appel. Parce que là, c'est vrai qu'elle était sympa. Voilà, on était à la radio. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, du coup, quand elle a dit qu'elle allait me défoncer juste après, c'est ce qui s'est passé. Du coup, on s'est pas appelé. Elle voulait pas me parler. Elle m'a envoyé plein de messages en mode t'es sérieux à m'appeler à la radio, etc. Tu m'avais dit qu'on irait, etc. Du coup, là, j'ai encore fait le mea culpa. Je me suis excusé. J'ai dit écoute, on en parle dès qu'on se voit là. Dans deux jours, on se voit, on en parle, etc. Donc, du coup, je suis allé chez elle pour en parler. Je lui ai dit voilà, comme je t'ai dit, j'ai pas eu le temps, etc. Donc, on a réexpliqué la conversation. Je me suis vraiment excusé. Et en fait, entre les deux jours, je me suis mis à fond sur Internet, etc. Je voulais vraiment trouver des billets et tout pour lui prouver que ce que j'avais dit devant toute la France était vrai, que je voulais vraiment l'amener pour la Saint-Valentin. Mm-hmm. Du coup, je me suis arraché comme un fou et en deux jours, du coup, j'ai trouvé des billets. Donc, je les ai imprimés. Quand je suis arrivé chez elle, j'ai dit, écoute, voilà, je suis pas venu les mains vides, j'ai une petite surprise. Et du coup, je lui ai montré les billets. Du coup, là, forcément, elle a changé. Enfin, sourire, quand sourire et tout. Même dit, t'es pas sérieux et tout. J'ai fait, si, je te l'ai promis et tout, pour la Saint-Valentin. Du coup, là, ça s'est apaisé. Voilà, elle m'a dit, ah, t'es quand même un beau con et tout ça. voilà. Ouais, mais après, elle pouvait rien dire. Enfin, j'avais des billets et tout ça. Elle savait qu'elle allait à New York.

dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on the move, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. But get by in the party, it's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. They can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie good. Báilame como si fuera la última vez. Enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Bonsoir à tous et bienvenue sur Fun Radio pour une nouvelle battle. Tous les soirs c'est un nouveau défi puisque tous les soirs c'est une nouvelle battle, ça veut dire une réunion. Une réunion avec tous les membres de l'équipe pour toujours se poser cette question, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Et à cette question aujourd'hui c'est Alice qui a répondu en disant, et si on se faisait un petit baccalauréat? Tu te dédouanes. Et bien sûr. Et là, tu m'as dit, non, c'est de la merde. Pas du tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Puisqu'on le fait. J'ai pas dit que c'était... Oui, mais on le fait. C'était de la merde pour toi. On le fait parce que t'as pas eu de contre-proposition. Absolument pas. Je trouve que c'est une excellente idée. Toutes les idées qui viennent d'Alice sont forcément de bonnes idées. J'ai émis quelques doutes au départ. Parce que t'avais probablement que pas compris. Non, parce que j'ai toujours été nul au baccalauréat. Et voilà. Et j'ai en tout cas deux candidats ce soir qui sont prêts à se battre pour gagner leur mini-drone. C'est Valentin de Marseille. Bonsoir Valentin. Salut Karel, salut Alice, salut le doc. Salut. Stevie, 24 ans, Nîmes. Salut. Ça va? Salut. Ça va Stevie? Ça va, tranquille. T'as l'air de faire un autre truc en même temps toi Stevie là. Tu fais quoi là? Non, je suis assis sur le banc là. Assis sur le banc, qu'est-ce que tu fais sur un banc toi? Sur le banc de la cuisine. Le banc de la cuisine, t'as un petit banc dans la cuisine, là, qui est tranquille. Alors, ce soir, Valentin face à Stevie, on joue au baccalauréat Love in Fun. Alice va réciter l'alphabet dans sa tête. Et oui. Chacun à votre tour, vous allez stopper Alice par un stop. Et devoir, en fonction de la lettre, trouver un prénom, un métier, une ville, une catégorie de vidéo porno et une partie du corps. Mais je récite, je suis pas obligée de comment. Tu fais les lettres que tu veux. Ouais, Alice. Voilà, dans ma tête, je commence par la lettre que je veux et bim bam boum. Exactement, ça va être le plus rapide, bien évidemment. Okay. Alors, vous avez le droit de passer, hein, mais il faut impérativement répondre à toutes les questions et le plus rapide gagnera. D'accord? Ok, c'est bon, vas-y. On va commencer par Valentin. Tu vas laisser Alice réciter l'alphabet, tu dis stop quand tu veux. Ok, juste, vous pouvez répéter les catégories avant parce que je ne les ai pas toutes retenues. Je te les donnerai au fur et à mesure, Valentin. Ah, nickel. Je ne peux pas tricher, de toute façon. Hein. D'accord. Ça ne marche pas. On mettra un chronomètre, ok? Pas de soucis. Valentin, tu dis stop quand tu veux. Stop. M. M. Attention, la battle commence. Valentin, top, c'est parti. Un prénom commençant par la lettre M. Magali. Un métier commençant par la lettre M. Motard. Un métier Passe. Commençant par la lettre M. Passe. Une ville commençant par la lettre M. Mantes-la-Jolie. Une catégorie de vidéo porno commençant par la lettre Milf. M. MILF, ça marche. Une partie du corps commençant par la lettre M. Le menton. Un métier commençant par la lettre M. Maître d'école. Maître d'école, ça marche bien sûr. Mais combien oui. De combien de secondes? 40 secondes. 40 secondes, il t'a fallu 40 secondes. Ah, le métier commençant par la lettre M quand même, merde. Il y avait médecin. Il y avait médecin bien sûr, et maçon. Je savais pas. Maçon. Non mais c'est la pression, c'est toujours plus facile. Marchand. C'est toujours plus facile quand on écoute. Je suis persuadé que ceux qui nous écoutent ont joué également et avaient tous la lettre M, mais bon voilà, ça a été ça a été plus long pour Valentin. Stevie, ça va? Oui. 40 secondes à battre. Allez, c'est parti. Ça va, t'es bien sur ton banc là? Tranquille. Ouais, tranquille. À la cuisine? Tranquille. T'as mangé quoi ce soir? T'as mangé quoi, tranquille? J'ai mangé au Memphis. Au Memphis. Ah ouais, d'accord. T'es prêt? C'est bon, allez, go. D'abord, Alice récite l'alphabet dans sa tête et tu dis stop quand tu veux. Stop. P. P. C'est parti. P. P comme papa. D'accord? Allez. Ok. Attends, Kassim. On déclenche le chronomètre à mon top. Il a pas dit top, Kassim. Top, c'est parti. Un prénom commençant par la lettre P. Patrick. Un métier commençant par la lettre P. Peintre, il a dit. Peintre. Une ville commençant par la lettre P. Paris. Une catégorie de vidéos porno commençant par la lettre P. Papy. Non, mais là, j'ai envie de... Non. Tu passes? Oui. Une partie du corps commençant par la lettre P. Poitrine. Poitrine. Une catégorie de vidéo porno commençant par la lettre P. Pied. Allez, une catégorie. Pense à. Non, je vais donner un indice là. Pied. Pied, non, pas pied. Enfin, oui. Non, on n'accepte pas pied. On est à 50 secondes, là, de toute façon. On est à 50 secondes, c'est perdu partout, bien sûr. Mais oui, la partout. Ah oui, bien sûr. Bah ouais, bah par l'habitude. Ah oui, mais bon, il faut faire des soirées avec Doc pour bien connaître les partout. Ah, mais quand il peut. N'importe quoi. Mais pas du tout, Doc. Attends, j'ai vu les photos. Enfin, alors... tu me les montreras. Mais qui dit n'importe quoi. C'est une victoire de Valentin ce soir. Bravo, Valentin. Et le spécialiste des catégories de vidéos sur les sites porno, là. Coco, t'avais quoi, toi, par la lettre P? POV. POV, point c'est of view. Vrai. Le point of view, c'est quoi cette catégorie, Coco? C'est la catégorie, en fait, où tu es le héros. Tu es le meneur. C'est ça, la vidéo dont tu es le héros. Voilà. Tu as l'impression que la personne te fait ta fellation. C'est ça, et que ta bite est plus grosse qu'en réalité, du coup. Ça fait fantasmer. Absolument. Victoire de Valentin, bravo Valentin, tu repars avec le mini-drone, Stevie, je suis vraiment merci désolé. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Ça va le banc à supporter le poids de la défaite? Ouais, c'est bon. On te fait une grosse bise, mon Stevie. Merci d'avoir joué avec nous. Il n'y a pas de soucis. Bisous. À bientôt, les amis. Et dans un instant, on revient avec Baptiste, 23 ans de Nantes, qui fait du bruit avec son téléphone. T'es là, Baptiste? Salut, la team. Salut. Salut, Baptiste. Il y a du monde autour de toi. C'est qui parle, là? Non, c'est mes parents qui étaient pas très loin. C'est tes parents qui sont pas très loin. T'as une petite porte qui grince. C'est très désagréable. C'est ça. C'est très désagréable. Commence mal. Ces mecs qui supportent plus rien. Putain, ce bruit de porte là, c'est. C'est pas inspiré moins fort. Hein, et puis ses parents. Baptiste, t'appelles pourquoi? Moi, j'ai un gros problème. En fait, je suis amoureux de l'ex de mon meilleur pote. Attends, faut que j'analyse ça de face. C'est tout simple. Ah oui, d'accord, ok. C'est bon, j'ai compris. Bon, ça va, t'as du mal, hein, toi, à chaque fois. Non, mais dès qu'il y a des ex et tout, machin, l'ex de mon meilleur pote. Non, mais si c'est son ex, j'ai envie de dire, tout va bien, on va en parler dans un instant. 01 42 48 5000, à mon avis, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Vous restez bien avec nous. D'ailleurs, vous nous dites si ça vous est déjà arrivé de sortir avec l'ex d'un pote. Allez-y, 01 42 48 5000. We can hear it calling. Calling to our hearts. Something loud and clear, begging us to run. We don't need no home, we don't need no room. Just the ocean's roar and the wind will do. So let's get out of here, let us see what's there. Yeah, let's get out of here. Till the sun comes up, till the sun comes up, till the sun comes up. Oh, feeling warm, so let us swim till the sun comes up, till the sun comes up. Feel it burning. comes up, till the sun comes up. The water's feeling warm, so let us swim till the sun comes up. Till the sun comes up. FDVM sur Fun Radio. Love in Fun. Love in Fun. 22h minuit. Sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio. Merci beaucoup d'être avec nous. On va vous poser une vraie question là. Est-ce que vous avez déjà été obligé de choisir entre l'amour et l'amitié? C'est un petit peu ce qui se passe pour Baptiste, hein, quelque part. Il a 23 ans, il est de Nantes, il est avec nous là sur Fun Radio en direct. Bonsoir Baptiste. Bonsoir l'équipe. Bon, bonsoir Baptiste. Choisir l'amour avec voilà une fille qui te plaît beaucoup, ou peut-être l'amitié avec ton pote, hein? C'est puisque ça, exactement. C'est l'ex de ton pote justement dont il s'agit là. C'est ça, tout à fait. Raconte-nous un petit peu qui est cette fille, combien de temps ils sont sortis ensemble, la relation aussi que t'as avec ton pote, c'est vraiment ton meilleur poteau, qui a quitté l'autre, on veut tout savoir. Bah en fait voilà, donc ils sont sortis ensemble pendant à peu près 2 ans, voilà, c'était une nana avec qui il avait de très très bonnes relations pendant 2 ans, et puis du coup voilà, ils se sont séparés suite à une histoire de tromperie de sa part en fait. À combien de temps? C'était il y a à peu près maintenant un peu plus d'un an quoi. Ok. Et du coup après voilà, donc moi en ce qui concerne la fille, voilà, je l'ai pas revue pendant à peu près 1 an quoi, du coup on n'a pas eu l'occasion de se recroiser. Et puis après bah par contre il y a quelques semaines de cela, ben j'ai eu l'occasion justement de la revoir, alors que j'étais en train de boire un coup justement avec quelques amis dans un bar. Et puis voilà, du coup quand on s'est revus, on s'est mis à discuter un petit peu, à se connaître un petit peu aussi, et puis il s'avère qu'on s'est vu de plus en plus régulièrement par la suite. Oui. Et puis bon ben voilà, finalement ce qui est arrivé est arrivé, hein, on a fini par coucher ensemble un soir, et puis voilà, maintenant on se voit régulièrement. Mais ce qui m'embête un petit peu, c'est que ben voilà, en soi c'est l'ex de mon meilleur pote, et puis ben déjà elle de son côté, ben forcément elle le voit pas d'un très bon œil, parce que forcément il y a une histoire de tromperie derrière cette relation. Et puis voilà, il faut aussi savoir qu'en soi, ben elle voilà, moi j'avais déjà des regards pour elle quand j'étais avec mon meilleur pote quoi. Donc ça c'est ce qui est compliqué aussi quoi. C'est vrai que mon meilleur pote savait qu'en soi, ben elle m'attirait à l'époque quoi déjà. Donc ça complique un peu les choses quoi. Ah bah alors franchement, moi je ne vois pas du tout ça. Où est le problème en fait, Baptiste. Mais vraiment pas, c'est-à-dire que ça fait 1 an qu'ils sont plus ensemble. C'est lui en plus qui avait fait le con, et du coup, enfin voilà, elle l'avait quitté. Là, elle est en kiff sur toi, vous sortez ensemble 1 an après. Ça a l'air tout naturel en plus, ça s'est fait doucement, tout seul, tranquille. Ouais, il y avait pas de toi, t'étais pas sorti avec elle pendant qu'il était quand ils étaient en couple. Donc, je vois pas où le problème. Toi ça te choque ou pas, Alice? C'est pas que ça me choque, mais je peux comprendre si son pote soit pas forcément chouchou à cette relation. Pas chouchou, quoi. Mais ça va, c'est pas sa vie non plus, quoi. Non, c'est pas sa vie, mais peut-être que lui, il a pas encore après. Totalement oublié cette fille-là. Si justement, il a pas décidé de la quitter, que c'est elle qui l'a quitté, tout ça. Je veux dire, peut-être. Ouais, surtout qu'il Bah, des fois, tu gardes en tête des relations. T'es plus avec cette personne, mais t'as vécu une histoire avec, et t'as pas forcément envie que l'un de tes potes revive la même chose, quoi. C'est tout. Chaque histoire est propre à soi, quoi. Donc toi, tu vas pas faire la même chose que ton pote. Ça fait quand même un moment. Vous êtes très bons amis. Donc je crois pas que ça casse grand chose, quoi. Tu vis ton histoire, tu vis ta vie. Si t'es amoureux, elle aussi. Bon, voilà, il devrait être content pour toi. Mais là, t'en as parlé ou pas, Baptiste? Bah en fait voilà, ce qui m'embête un petit peu, c'est que lui il continue de me parler d'elle de temps en temps, et puis bah en soi il est pas forcément encore au courant, donc ouais, il a quelques doutes, mais bon voilà, c'est ça me gêne un petit peu de lui dire, et si je lui dis, j'ai peur effectivement de perdre mon pote, parce que on aura peut-être pas forcément tout de suite les mêmes relations derrière quoi, donc Il faut un temps d'adaptation, mais bon ça va se faire. Puis de toute façon ils sont pas obligés de se voir, t'es pas obligé d'être tout le temps avec elle quand tu le vois lui, vous pouvez continuer à vous voir tous les deux, et puis il va falloir se faire à la chose. Il faut aussi s'adapter et prendre son temps. Oui, c'est sûr. Oui. Mais Baptiste, alors franchement, t'es déjà pas obligé de le dire. Hein. On va accueillir des réactions. Il y a Hugo qui est là, 19 ans de Nantes. Bonsoir Hugo. Salut l'équipe, salut à tous. Salut. Salut. Hugo parle bien dans le téléphone, Hugo. Hein. D'accord. Ouais, je parle à fond dans le téléphone. Ok, ok. T'as entendu Baptiste? Hein, là, il se retrouve un petit peu dans un dilemme et tout. Il a su moyen parce que c'était quand même la copine de son meilleur pote. Toi, Hugo, t'as déjà connu un truc comme ça ou pas? Alors moi, j'ai connu récemment. En fait, j'ai appris que en fait, ma copine, son meilleur ami, c'est son ex, en fait. D'accord. Et en fait, bah, tout simplement, bah, sur le coup, c'est vrai que je l'ai un peu, tu vois, j'ai un peu vu flou. Et je me suis un petit peu énervé. Et au départ, bah, j'ai eu une réaction qu'il ne faut surtout pas faire, enfin, selon moi, c'est-à-dire, en gros, lui interdire de lui parler et de choisir entre lui et moi. D'accord. Donc là, c'est la situation est complètement différente. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est ta copine qui a son meilleur ami avec qui elle est sortie. Et toi, bah, t'es la nouvelle personne dans sa vie, quoi. Donc celle-là, c'est exactement. Est-ce que toi, tu acceptes justement cette amitié entre ta copine et son ex? Bah, au départ, c'est vrai que j'ai pas du tout accepté. Hein. Je t'ai dit, j'ai vu le flou. Enfin, j'ai demandé de choisir. On t'entend pas bien, Hugo, vraiment, on t'entend pas bien. Enfin, elle m'a choisi, moi. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai regretté et je lui ai dit non, faut absolument que je te fasse confiance, ça sert à rien de t'interdire des choses. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, je lui ai dit bah, tout simplement, tu peux continuer à lui parler, ça sert à rien si je commence déjà dès le début à te priver de choses et. Très bien. Et tout, et que j'ai pas confiance en toi, bah, c'est pas comme ça que la relation va avancer, quoi. Waouh! Bravo, bravo. Putain, grave. Là, c'est dur. T'as bien conscience de la chose, parce qu'effectivement, c'était. Parce que quand je risque de le voir en face, bah, je risque de pas être forcément serein, de me dire, bah, il l'a embrassé, etc. Mais bon, après, j'invite tout le monde à faire pareil, parce que si on commence vraiment à priver sa copine dès le début d'une relation, et, pour moi, je pense que la clé d'un couple, c'est vraiment, la confiance. Et je me dis que j'ai confiance avec elle et que elle ne sortira pas du droit chemin. Et puis, si je commence à pas avoir confiance par rapport à ça, j'aurai jamais confiance, quoi. Parce qu'elle te l'a dit, elle te l'a annoncé et c'était son ex. Donc c'est fini, elle est avec toi. Elle était cache avec moi c'est le principal, quoi. Puis, de toute façon, je fais confiance. Voilà. Bravo. C'est beau, hein, franchement, ouais. Moi je pensais que ça n'existait que dans les films, hein, ce que tu viens de dire, Hugo. vraiment. C'est dur au départ, mais bon, faut se reprendre. Alice, franchement, c'est bien de penser comme ça. Hein. Ouais, carrément. Et c'est pas évident, quoi, de se dire, j'accepte qu'elle ait eu un passé avant et que ce soit encore quelqu'un qui soit dans sa vie, quoi. Allison est avec nous. Bonsoir, Allison. Bonsoir. Salut. Bonsoir, Allison. T'as 25 ans et t'es à Brest. Oui, enfin, j'ai 27, ouais. 27 ans, d'accord. On t'a rajeuni, peut-être. C'est Coco qui t'a enlevé 2 ans, c'est ça? Comment? Ah non, parce que Coco, il aime bien se rajeunir aussi. C'est vrai. Et t'aimes bien de vieillir pour les filles aussi. Exactement. Hein, je le fais de temps en temps. Quand t'en sors et tout, tu leur dis pas tout à fait ton âge, parce que Coco, il a 17 ans et demi, les amis. Elle le sait pas, Allison. Alors, Allison, est-ce que t'es déjà, t'as eu à choisir entre l'amour et l'amitié? Oui, j'ai choisi, du coup, ma meilleure amie. Parce que c'était un contexte complètement différent et c'est vrai que mon ex de l'époque était trop possessif, trop jaloux et il admettait pas en fait ma meilleure amie dans ma vie, quoi. Ah ouais. Ah, d'accord. Et du coup à la fin j'ai craqué après plusieurs mois et du coup j'ai dit en gros casse-toi, quoi. Mais non. Tu veux pas l'accepter Tu veux pas l'accepter dans ma vie, enfin elle fait partie de moi, quoi. Ouais, non, mais c'est toujours compliqué. Tu lui as pas donné une petite période quand même pour s'habituer, pour s'adapter, comme disait Doc? Ça faisait à peu près un peu plus d'un an et demi qu'on était ensemble. Mmh. Et il a changé du jour où j'ai commencé à travailler. Et j'avais plus le droit de l'avoir, à part que quand il était là, quoi. Mais je vois pas l'intérêt non plus, quoi. Ok. Ça a duré 3 mois. Et au bout de 3 mois, j'ai dit stop, quoi. Baptiste. Et alors, il a réagi comment, lui? Mal. Très mal, d'accord. Parce qu'il a pas compris pourquoi je choisis ma meilleure amie, quoi. Okay. Ouais, tu l'enfermes. Il voulait t'enfermer, donc non. Baptiste, t'as entendu le témoignage d'Hugo là et Allison qui sont toujours avec nous. Est-ce que t'as des questions, t'as envie de leur poser puisqu'ils vivent, ils ont vécu en tout cas plus ou moins la même situation que toi. Ouais, moi j'aurais bien aimé savoir ce qu'ils en pensaient, parce que bon, en fait, ce qui me gêne un petit peu dans mon histoire, c'est qu'en soi, j'ai pas envie que mon meilleur pote croie que je n'attendais que ça, hein, finalement. Comme j'avais déjà des vues sur elle à l'époque, c'est toi de lui dire aussi, finalement, qu'ils disent. Baptiste, enfin je veux dire, voilà, c'est ton meilleur pote, il y a personne qui le connaît mieux que toi. C'est avoir une conversation avec lui en franche, trois yeux, honnête, sincère, voilà, les yeux dans les yeux. Ah ouais, non mais moi je, enfin franchement, enfin moi je sais que j'ai une relation vraiment particulière avec mon meilleur ami, mais bon, mon meilleur ami, je vivrais ça, il y aurait aucun problème quoi. Mais vraiment aucun problème. À partir du moment où je lui expliquerai et tout quoi, enfin, je sais que ça passerait quoi, parce que voilà, on est potes et on est potes pour la vie quoi. Et c'est pas même, enfin voilà, il serait heureux pour moi. Tu vois, vraiment, il serait heureux que je sois amoureux d'une fille et qu'on soit bien ensemble. Et ce qui compterait par-dessus tout, ce serait que je sois vraiment, voilà, que je sois heureux, quoi, Baptiste. Faut aussi se poser des questions, tu vois. Est-ce que c'est une personne qui va être importante pour toi? Est-ce que tu te vois, voilà, dans, enfin voilà, est-ce que t'as envie de planifier des trucs? Et ouais, après bon, parce que c'est sûr que pour moi aussi il va y avoir une certaine forme de gêne envers lui, parce que c'est vrai qu'on pourra jamais forcément être ensemble quand je serai avec ma meuf, quoi. C'est vrai qu'on pourra pas forcément faire des choses. Jamais, attends. Jamais, t'en sais rien, laisse faire le temps. Déjà, tu vas lui parler, tu vas lui dire les choses très honnêtement, en face à face, et puis parle avec ton cœur. Si tu lui fais comprendre, vraiment saisir que voilà, il s'est passé un an et que c'est après un an seulement que tiens, on s'est recroisé et ça a donné ça. T'as pas attendu juste qu'il ait le dos tourné et qu'il ait arrêté pour y aller. Donc c'est quand même très différent. Oui, c'est vrai que pour l'instant, il y a quand même eu un petit temps de laps. C'est vrai qu'il y a quand même eu un temps qui s'est écoulé. Bah sûr. Voilà, Baptiste. Bah écoute, on compte sur toi en tout cas. Et surtout, alors, on aimerait bien savoir comment ça va se passer derrière. Pareil, hein, tu vois, on aime bien avoir des petites nouvelles. On compte sur toi, Baptiste. Hein. Bah, y a pas de souci, écoutez avec plaisir, et puis c'est sympa de m'avoir écouté en tout cas. Bah, hein, et t'avoir aidé, j'espère aussi un peu quand même, parce qu'on a été nombreux, il y a Hugo, Alison, hein. Bah bien sûr, et puis comme vous dites, je pense que la meilleure solution, ça sera d'aller le voir et puis ouais, d'essayer de parler avec lui le plus calmement possible et d'évoquer cette situation-là. Voilà. Absolument. Ça s'accroche. Bah tu nous tiens au courant, on aime bien savoir. Salut bon Baptiste, salut Hugo, salut Alison, ciao les amis. Salut. Et dans un instant, salut. Thibaut va nous rejoindre sur Fun Radio. Thibaut de Toulouse, t'es là mon Thibaut? Oui. Ok Thibaut, t'appelles pourquoi toi? Bah, je comprends pas, il y a une meuf qui a l'air clean, mais est-ce que je dois mettre une capote pour coucher avec? Ok, tu bouges pas, on va parler. Alors, une meuf qui a l'air clean, ouais. Ça veut dire quoi être clean? On en parle tout ça dans un instant sur Fun Radio. Les capotes, c'est important hein, vraiment pour se protéger. Il faut encore mettre des capotes. Et on va écouter Kaigo sur Fun Radio, à tout de suite. Suivez Love in Fun en stream vidéo sur funradio.fr. Et votre réveil, c'est Bruno dans la radio sur Fun Radio. Cette semaine, à 8h10, Bruno paye vos factures avec WizUp, la nouvelle application de quiz en direct. Allô ? Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? C'est Bruno dans la radio ! Ouais ! Envoyez vos factures à facture@funradio.fr. Bruno dans la radio, 6h-9h sur Fun Radio. Avec l'application WizUp, dites Wiz au nouveau quiz. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Fun Radio présente Mala en concert. Mala de retour en France pour son illégal tour en février 2019. Le 7 à Lille. Le 8 à Lyon. Le 9 à Nantes. Le 14 à Paris. Le 15 à Strasbourg. Et le 16 à Toulouse. My conversation is cash money. Infos et réservations, point de vente habituel. Mala en concert avec Fun Radio. Le son dance floor. 22h à minuit. 0-1-42-48-5 avec Karel, Alice et Doc sur Fun Radio. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne vois pas. Si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre. J'ai fait une bêtise qu'il faut pardonner. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre. Et puis si j'insiste, c'est qu'il faut pas oublier. Évidemment, on va laisser parler le temps. On a assez haussé le ton. Rien ne sera plus jamais comme avant. Si je te mens, c'est pour notre bien justement. Ne me juge pas sur le moment ou sur ce que vont faire mes démons. Est-ce que tu te vois tout reconstruire avec un autre? Souffrir sans dire un mot, revenir pleurer sur mes épaules. Est-ce que tu nous vois expliquer tout ça à nos parents? Laisse-moi espérer que ça s'arrange. T'as oublié tout ce qu'on se disait. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne le vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne le vois pas. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre. J'ai fait une bêtise qu'il faut pardonner. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre. Et puis si j'insiste, c'est qu'il faut pas oublier. N'arrête pas la guerre à cause d'une bataille. Jamais. On n'arrête pas à cause d'une entaille. Je sais que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Je suis tombé bien bas, mais stop, ne me juge pas. Plus rien ne se passait comme d'hab. Tu m'écartais doucement de ta life. Tu m'as poussé à faire ce que tu n'aimes pas pour dire que je ne t'aime pas. Donc qu'est-ce qui ne va pas? Et tu me tournes le dos pour t'en aller. Rappelle-toi que je suis un homme, je ne peux pas supplier. Pour toi j'ai fait plus que des mots, faut pas l'oublier. Et si c'est là que tu m'abandonnes, je vais pas te le pardonner. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne le vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne le vois pas. Je l'ai fait pour toi, je l'ai fait pour toi, je l'ai fait pour toi, mais tu ne le vois pas. Pour toi, ouais, ouais, pour toi, allez, pour toi, mais tu ne le vois pas. Non, non, ça ne le voit pas. Mais tu ne le vois pas, non, non, ça tu vois pas. J'ai fait pour toi, j'ai fait pour toi, j'ai fait pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi, j'ai fait pour toi, pour toi. Maître Gims et Dadju sur Fun Radio. De 22h à minuit. Du sexe. De l'amour. Et du fun. Love in fun. Sur Fun Radio. On a lancé un concours sur Instagram. Comment ça? Vous n'avez pas encore participé? Mais il vous reste encore 24 heures, hein, dans un petit peu plus de 24 heures, puisqu'on fera le tirage au sort demain soir à minuit, juste avant de partir en vacances de Noël. Alissa a lancé un concours sur Instagram de Love in Fun, musique de Noël, Cassim. Oui. Et bien sûr, musique de Noël, enfin. Allez, là. Et ce ne sera pas un tirage au sort. Ah oui, ce ne sera pas un tirage au sort. Ça va se passer comment alors, Alice? Alors en fait, on vous a publié une photo dans laquelle on te voit ouvrir une boîte avec un magnifique cadeau à l'intérieur. Tu fais une tête émerveillée. Est-ce que je peux donner un indice ou pas? Ah non, pas avant demain. D'accord. Et la question qu'on vous pose, c'est à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Et la première personne à trouver la bonne réponse gagnera son casque audio JVC. Alors, regardez bien mon visage, je ne surjoue pas ma réaction, je suis vraiment très heureux. Et je suis surpris. Comédien, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment, n'hésitez pas, dites-nous, faites vos propositions et vous gagnerez demain votre casque JVC. Et il y en a qui vont loin, hein. Une crotte de chien, une crotte de nez de Cassim, des chocobons, un sextoy, rien. Voilà, certains disent rien. Donc, le casque, des capotes, voilà, il y en a plein de propositions qui sont plus folles les unes que les autres. Donc lâchez-vous. Des capotes, justement, on va en parler avec Thibaut. Oui, Thibaut. Ça va, l'équipe? Ça va et toi, Thibaut? Ouais, bon, il y a ce souci là qui me... Il y a ce souci. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas l'impression qu'il y a un gros souci, moi, Thibaut. T'as 22 ans, t'es à Toulouse, t'es amoureux d'une fille en ce moment, c'est ça? Oh, c'est pas vraiment amoureux, c'est un petit date que j'ai rendez-vous là ce week-end. Voilà, je l'ai rencontré sur les fameuses applications que tu connais bien. Oui, bien sûr, donc, tout le monde les connaît. Hein, oui, voilà. Hein. Et alors, donc, t'as rendez-vous avec une nana et tu nous as dit la meuf est clean, est-ce que je dois mettre une capote? Elle a l'air clean. Ouais. Ça veut dire oui, quoi? Oui, elle a l'air clean. Donc, selon je l'ai toi. Déjà vu une fois. D'accord. Donc oui, après elle a l'air clean, ça n'a pas l'air d'être la fille qui saute sur tout ce qui bouge, quoi. D'accord, mais tu peux absolument pas faire confiance à ce genre de sentiment-là. Un virus, ça ne sait pas si elle a l'air clean, si elle saute sur qui que ce soit ou pas. Un virus, ça va là où ça peut, donc tu peux pas te fier à ça malheureusement. Donc une première fois, c'est clair que de toute façon, c'est capote. Point barre. Il y a pas, tu dois pas chercher des bonnes raisons et des excuses pour pas en mettre. Oui, parce qu'elle, elle m'a dit que voilà, elle était clean, mais bon, il faut pas faire confiance. Alors, oui, mais même elle peut être de bonne foi et ne pas le savoir encore. Voilà, il y a une période d'incubation qui fait que pendant 2 à 3 mois, on se croit négatif alors qu'on peut être positif. Donc il y a plein d'impondérables qui fait qu'en tout cas une première fois, point barre, tu le mets. À la rigueur, vous avez fait un test il y a pas longtemps, vous refaites un test 2 mois plus tard. Au bout de 2 mois, ok. Quand on est d'accord tous les deux et que les deux ont confiance et qu'on a parlé de la fidélité, là on peut l'enlever, mais pas avant. Ouais, Thibaut, là, elle a l'air clean. Si on commençait à juste penser à ça, forcément, c'est pas une façon de raisonner, quoi. Tu vois, Thibaut, hein. Donc là, tu vas mettre ta capote et puis ensuite, non mais c'est vrai, tu mets ta capote et puis après tu verras bien, quoi. Voilà. Ça sera toujours mieux qu'un sac plastique. C'est possible. Dis donc, tu veux en faire quoi de ton sac plastique, mon Thibaut? Hein? Ah ben, tu sais, quand tu sors des courses, des fois t'as des sacs plastiques, tu sais pas quoi en faire. Oh, putain. Je veux pas savoir ce qu'il en fait. Écoute, Thibaut, franchement, écoute bien les conseils de Doc. Petite capote, justement, pour ta date ce week-end, comme moins ça. De tranquille, ouais, voilà. Tu t'évites les problèmes. T'as rien à penser. Ouais. Au niveau de la capote, qu'est-ce que je dois prendre comme saveur? Goût banane, fraise? Bah, et justement, prends-en plusieurs et puis tu demanderas à la fille ce qu'elle préfère. C'est bien. Hein? Non, mais attends, tu prends pas d'odeur, tu prends pas de goût. C'est en mode genre, suce-moi la teub, c'est goût banane, quoi. Non, tu prends une capote qui va à la taille de ta bite, déjà, et puis voilà. Et puis fine. Si oui, c'est ça, pour les sensations, les petites nervurées et tout. Mm. Ah, Doc, il aime bien les skins. Ouais. Alors, mettez des skins, les amis. Salut Thibaut, et bonne bourre à toi. On va accueillir Abigail, 20 ans de Toulouse. Bonsoir Abigail. Bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde, bonsoir Karel, bonsoir Alice, bonsoir à Coco, bonsoir Doc. Bonsoir Abigail, tu l'aimes bien le Doc, hein, il est beau. Hein. j'aime bien l'écouter, oui. Ah, on va parler de. On va parler de ton copain, c'est ça Abigail? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il fait ton copain? Là, il travaille, il travaille, mais en fait, si vous voulez, j'ai rencontré récemment des amis, il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est tout récent, avec qui je me suis super bien rapprochée, et depuis, je les vois quasiment tous les jours. Et il n'y a pas longtemps, en fait, il y a une amie à moi, donc du groupe, qui a demandé mon petit ami en couple. Attends, Abigail, là, je te posais juste une petite question pour avoir une petite phrase. Là, tu me racontes toute l'histoire. Hein, Abigail, est-ce que je peux résumer l'histoire? Il y a ton mec qui chauffe une pote à toi. Oui ou non? Je dirais pas ça, mais disons qu'il a donné son numéro à une de mes potes et du coup je le prends très mal. D'accord, oui, ça va, c'est chauffé ça, hein. Je suis désolé ma chérie. Hein. Là il est en train de la chauffer là, on va en parler dans un instant Abigail, d'accord? Ça marche. Allez, restez bien avec nous et voici Kaigo. Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know that we should have known better, but kept on trying. And it's time that we see it, the fire's dying out. Can't believe that I see this, we're out of chances now. And I just want you to know that you and me, it was good. But I know I will make it out. Step by step I move on and get on with life. So I let go and I hope you'll be happy now. You and If I just held on, but it's really crazy how love could fade so fast. We said forever, but now we're in the past. And I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go and I sur Fun Radio. 22h à minuit, Love in Fun. Appelez Karel, Alice et Doc. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Avec Abigail qui est avec nous, elle a 20 ans, elle est de Toulouse. Abigail. Oui. Bon, Abigail, elle est chonchonne. Elle est pas contente. bien sûr qu'elle est chonchonne. Hein, Abigail, t'es chonchonne. Oui, je suis pas contente. Bah, je suis pas contente, je suis chonchon. Hein, Abigail, pourquoi tu chonchon? Parce que j'arrive pas à pardonner à mon copain qui a donné son numéro à ma pote. Il a donné son numéro à ta copine. Mais pourquoi? Il t'a donné une explication, une justification? Parce qu'il veut la sauter peut-être. Mais non, mais attends. Alors, l'excuse qu'il a dit, c'est disant qu'il voulait rester en contact avec moi alors qu'on s'était parlé par SMS juste avant. Donc j'ai juste envie de dire foutage de gueule, voilà. Pas du tout, hein. Nous on aime bien avoir c'est plusieurs amis. C'est bizarre son histoire. Mais il lui a donné quand ce numéro-là? Vous étiez ensemble depuis combien de temps? Ben ça fait 7 mois qu'on est ensemble, et il lui a donné cette semaine, il y a 2 jours ou 1 jour je crois, je crois que hier ou avant-hier, je sais plus. Mais ils se parlent tous les deux ou pas? Ta pote elle t'a dit ou pas? Oui, elle m'a tout dit parce que j'ai lu toute la conversation, et dans cette conversation en fait il est en train de me rabaisser en fait. Ah oui, ah ouais. C'est pas pareil. Du coup, c'est aussi ça qui me. Pas comme je l'aurais quitté, moi, celui-là. Mais il dit quoi? Ben, il dit en fait comme quoi que je devais faire une soirée avec lui alors que c'était pas le cas, que je lui raccrochais au nez et tout ça, alors qu'il m'a appelé au travail. Alors du coup, forcément, je dis je travaille, je vais pas forcément te parler. Enfin là, je bosse. C'est donc qu'il m'appelle pour un truc de micromania, quoi. Ouais, c'est pas l'endroit ni le moment. Donc, voilà, et surtout que j'étais en plein travail, j'avais une cliente, donc j'allais pas dire à ma cliente excusez-moi, ils m'ont coupé au téléphone, qui m'appelle pour micromania. Et ta copine a dit quoi? Ma copine comprend ma réaction, elle est tout à fait d'accord avec moi, et son attitude vraiment malsaine, quoi. Enfin, pas d'accord, correct, quoi. Okay. Elle trouve aussi qu'il est en train de la chauffer. Pas chauffé, mais du moins qu'il me manque de respect. D'accord. Ok. Oui, bon, les choses sont claires. Il va falloir s'expliquer. Route, il va falloir s'expliquer. Il est dispo ou pas, là, Abigail? On peut peut-être. Je préfère qu'on appelle demain. Mais le truc, c'est que je lui ai déjà en parlé, en fait. Parce que je lui ai déjà, mais t'es sérieux? Tu lui as donné son numéro de téléphone et tout ça. Enfin, je lui ai déjà parlé en privé, en SMS, pour lui dire que je n'étais pas contente. Et du coup, ben, lui, il m'a dit que je lui fais une crise de jalousie. Je ne sais pas, question de crise de jalousie, là. C'est question que je suis en colère quand il est chelou, ton mec. Ah ouais, ouais, il est chelou. Il y a un truc d'un côté. Tout le monde me dit ça, mais le truc, c'est que ben, ça fait tellement que je suis avec lui. Ben, forcément, il y a eu des sentiments. Je tombe amoureuse. Et en fait, si vous voulez, je suis complètement larguée par rapport à ça. Je ne sais même pas ce que je dois faire. Je ne sais pas si je dois le quitter ou si je dois rester avec lui. Lui, c'est laisser une seconde chance. Bon, alors, Abigail, si on fait le truc, on le fait en deux minutes. Donc, si on fait le truc, on le fait bien. Donc, ouais. Demain soir, Abigail, on te reprend à l'antenne. On en discute. On va lancer aussi, tous les auditeurs hein, pour réagir là-dessus. Et on va l'appeler aussi. Et surtout, on l'appellera ton mec pour avoir des explications. Discours, bien oui, sûr. Parce que là, il est pas clair, il est pas net, le mec. Sûr. Non, mais là, tu mérites mieux, Abigail. Ouais, bien sûr, mais j'en suis persuadé. Demain, on en saura plus, Abigail. On te fait des gros bisous, on t'embrasse fort, ma chérie. J'espère que tu vas réussir à trouver le sommeil ce soir. Sinon, je te rejoins. Oh, putain, le mec se place. Pourquoi j'ai dit ça dans ses rêves. Non, mais voilà, absolument. Gros, elle a l'air contente. Abigail, gros bisous, ma chérie. Voilà une heureuse. Salut, à demain sur Fun Radio. Salut, on vous retrouve dès demain. On va retrouver Adrien Thomas. Ça va être une grosse émission ce soir. Il y a du monde dans le studio. On aime. Il y a de l'invité. Bonsoir, Adrien. Eh bien, bonsoir. Bonsoir, Adrien. Bonsoir, Karel. Ça va? Ça va super bien. Bon, alors, ça y est, quand il y a des invités, c'est même plus ton émission, quoi. J'ai l'impression. Non, je laisse les platines ce soir à des habitués, limite, maintenant. Ça y est, c'est la deuxième fois que je les reçois. Alors, il était tout seul la première fois. C'est un duo, hein. C'est pas un DJ tout seul. Donc, c'est un duo. C'est les FDVM que vous écoutez sur Fun Radio. Je crois que vous l'avez joué d'ailleurs. Oui, tout à l'heure. The Sun Comes Up. Voilà, Till the Sun Comes Up. Yes. Voilà, c'est ce morceau. Il est cool ce son, hein. J'aime bien. Bah, tu dis ça tout le temps quand je reçois des DJ. Bah oui, on va pas dire le contraire, ils sont là en studio, c'est super gênant. Alors je vais te dire un truc, quand je trouve que c'est de la merde, je ne dis rien. Voilà, ouais. D'accord. Voilà. Parfois il le dit quand même. Mais c'est bon à savoir du coup. C'est bon à savoir. Non, ça c'est cool, on aime. Réfléchis bien, je réfléchis. Non, il est cool ce son, j'aime beaucoup. Tu m'as pas donné ton avis sur mon nouveau titre d'ailleurs. Si, j'aime beaucoup aussi. Mais ça, c'est parce que t'es un ami. Tu vois, c'est voilà, d'accord. Différent, tu vois. L'honnêteté est pas la même, quoi. C'est normal. Tout à fait. Bon, merci beaucoup. Gros bisous, on vous laisse. À demain. Et tout de suite, c'est FDVM avec moi au platine jusqu'à 1h du matin sur Fun Radio. On y va. Ciao. Bisous tout le monde. Ciao. Open your eyes for a new reality. Feel the beat. You're gonna live a magical night. You will discover a new sensation. Party fun. Party fun sur Fun Radio. Party fun. L'invité de la semaine. Ouais. Party fun. Bienvenue sur Fun Radio, minuit 3, on est en direct, c'est Adrien Thomas. Et de temps en temps dans cette émission, je laisse les platines à des DJ. Et c'est souvent des DJ, même j'ai envie de dire à chaque fois, des DJ talentueux, des DJ que j'aime beaucoup. Et ce soir, c'est les FDVM qui sont avec moi. Salut les gars, bienvenue. Bonsoir. Salut. Enfin, je dis surtout bienvenue à Victorien, qui n'est jamais venu, qui est la deuxième moitié de ce duo. Flo est déjà venu. Yes. Évidemment. C'était quand déjà qu'on s'était fait une émission? Parce que tu sais, moi j'en fais tellement. Il y a un an, tout pile. Je sais plus. Un la sortie de Love Again. Est-ce qu'on s'était pas dit il y a un an, la prochaine fois que vous revenez, vous avez un tube sur Fun Radio? Si, on se l'était dit. Bah voilà, c'est fait. Till the Sun Comes Up. Vachement bien ce titre-là. On va en parler de ce morceau dans quelques minutes. Vous allez nous expliquer un petit peu comment vous l'avez créé, etc., etc. Parce que c'est vrai que quand on entend un titre en radio, il y a plein de questions qu'on se pose. On se dit comment c'est fait? Est-ce qu'on s'attend à ce que le titre rentre en radio et soit écouté par des millions de gens tous les jours, en dehors des streams, parce qu'aujourd'hui les streams c'est quand même aussi super important. Donc voilà, je suis très heureux de vous avoir ce soir les garçons avec moi. Il y a le live Facebook, on va pas trop parler là, on va laisser kiffer les gens avec votre mix. Il y a le live Facebook sur la page Party Fun et également sur la page Fun Radio, donc allez-y faire un petit tour. Vous pouvez cliquer sur la page de FDVM aussi, j'ai mis le petit lien pour aller récupérer leur page. Il y a déjà 2-3 personnes qui sont